avec Jérémy bien sûr qui vient d'arriver. On a trouvé la place sur le parking, il y a un monde de tarés. Et là c'est chaud comme la braise. Hubert est avec nous bien sûr, aussi avec Olivier Curtis tout au long de la nuit ce soir jusqu'à 2h du matin pour une soirée spéciale. Bien sûr, on va clôturer l'anniversaire de Galaxy, mais on va pas s'arrêter là hein, quand même. Non. Je crois qu'on est les premiers là, il devrait avoir du monde ce soir apparemment, d'après ce qu'on a entendu. Ouais, parce qu'ils ont tous sonné à la porte, mais bon. C'est le bordel pour arriver à Metrolo quand même, c'est. VlaHS, tiens. DJ HS, Manuque, il est là. Xavier aussi arrive, hein. Xavier, l'interview d'ici quelques minutes. Ce sera juste après le top horaire, car on vous annoncera aussi d'ici quelques instants le programme de cette grosse soirée. Galaxy. La journée des profs. Crachez sur vos profs. Espèce de puant. Elle me dégoûte, c'est incroyable. On s'en fout de ta gueule en fait. Oh, une vraie folle. C'est vraiment un fils de pute. T'as enrogé ce mec. Les meilleurs moments de l'émission ce samedi dès 21h. Confusion à l'instant sur Galaxy avec The Homeboy EP and Funky Dread. D'ici quelques instants, on vous balancera le programme de votre soirée juste après ça. Let's go. Boris. Boris, dans son cerveau, il a une soupape. Une soupape de sécurité. Il y a une poule géante qui poursuit Boris. Chez Boris, ce soir, c'est sans disco. Attention, Boris vient de se faire une ligne de Nesquik. Une ligne de Nesquik, ça pardonne pas. Il y a plus de crocodiles qui volent. Ouais, ta musique, elle est géniale. L'expérience. Je dirais qu'Amo, c'est formidable. Ça, c'est le best of Boris, bien sûr, ce soir sur Galaxy. Nous aurons d'ailleurs Philippe Dont en direct à partir de 21h30. Bien sûr, il y aura aussi tous les bêtisiers, c'est-à-dire les montages avec la soirée des profs. Il y aura aussi des micro-trottoirs, les canulars avec Jean-Pierre Foucault, canulars sacré soirée. Hein, Olivier Cortis, on peut peut-être en dire un peu plus aussi pour ce qui va se passer. Voilà, donc il y aura tout ce qu'on vous a annoncé. Donc, sacré soirée, on aura également les poissons, le poisson d'avril de Galaxy. Il y aura également l'arrivée de Bézu sur Galaxy, un événement où on avait invité, où il avait invité Hervé Villard au Boccaccio. Ouais. Grand moment quand même. Et puis, je sais pas, on va commencer tout à l'heure, dans quelques minutes, avec notamment la soirée des profs où on avait dit, et à mon avis, c'est grâce à ça que Galaxy a commencé à monter. On a quand même beaucoup parlé dans les lycées de cette émission. Ça s'est beaucoup discuté. Ça a craché sur tout le monde. Ouais, voilà. Il y a eu pas mal de problèmes juste après. Hein. Ça a dû s'arrêter assez vite. Hein, ce soir, on va vous balancer la version censurée. Ouais, quand on même. Verra un petit peu plus tard dans la soirée. On verra bien. Quand tout le monde sera couché, on pourra peut-être la balancer. Voilà. Sinon, lire aussi donc le Best of Boris. Donc à toute l'heure à partir de 21h30. Et puis bien sûr, on fera la tournée de toutes les discothèques ce soir, notamment du côté du là, Captain. Ça va être chaud, là. Là, ça va être grave de grave. Listen, car nous avons Xavier qui est dans les studios de la radio. Personnage, il a animé le samedi soir avec bien sûr ses pieds. Non, c'était ça les jingles. C'est exact. Bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va, Xavier? Ça va très bien. En pleine forme pour ce soir? Mais bien sûr, et joyeux anniversaire Galaxy. Eh bien voilà, tu participes à l'événement, c'est normal. Tu as resté combien de temps ici à la radio? 7 ans de bonheur. 7 ans avec classement de l'Euro Music Top. Oui, exactement. Avec les matinales de avec Cédric. Oui, le carnaval aussi. Oui. Hein, malheureusement, Cédric nous écoute certainement, mais il n'a pas pu se rendre directement à la radio parce que bon, on a aussi une vie un peu plus agitée quand même. Ouais. Hein, mais on est là. Un peu de sérieux. Voilà, on est là pour faire la fête en tout cas. Xavier, tu nous mixeras quelques disques après? J'ai retiré mes chaussures, mes chaussettes et j'ai mixé avec mes pieds là. Ça va sentir les pieds morts là. Ça va fouetter. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui t'avaient demandé, Xavier, à l'époque. Donc, à mon avis, ils seront tous contents de te retrouver. Bah, je suis ravi pour eux. T'as ramené tes jingles quand même? Ah non. Oh là là. J'ai une vie très très occupée, alors là. Oh, c'est pas grave, on les fera. Faudra faire des inserts en direct. On les fera en direct, c'est pas un problème. Sinon, il y aura aussi quoi d'autre ce soir? Parce qu'il y a pas mal de choses. Oui, le best-of répondeur que Jérémy nous a ramené à l'instant. Les premiers messages, on les balancera aux alentours de 22h, juste après d'avoir pris Philippe en insert téléphonique. Et puis, bien sûr, donc le tour des boîtes ce soir, ça, c'est tout au long de cette soirée. N'est-ce pas, Jérémy? Ouais, t'es un peu loin, là. Ouais, on peut rajouter aussi qu'il y aura un petit best-of, une interview de Philippe Dont et de Laurence à The Villa de l'année 93. Une belle archive. Exact. On a retrouvé parmi tout ce qu'on a en document audio. C'était dans le grenier, je crois. C'était dans le grenier. Vous exactement. Avez enlevé la poussière et tout ça? Ah, évidemment. Et puis bien sûr, on a aussi plein de cadeaux, les derniers kits Willy de la soirée, des compilations. Et oui, le Père Noël est encore avec nous ce soir. Et je crois, à propos du montage que Jérémy a fait tout à l'heure, The Villa, on peut remercier un auditeur également qui nous a aidés, parce que même nous, on n'avait pas la copie, ni Philippe non plus d'ailleurs. The Villa, il s'appelle Yves-Pierre, je crois. Ah oui. Et on essaiera de discuter Pierre-Yves. Avec lui tout à l'heure. Non, c'était pas Pierre-Yves plutôt. Pierre-Yves, personnellement. Mais il archive tout, en fait, il se tape des brocantes également, des marchés aux puces pour retrouver les cassettes de Galaxy, il y en a tout plein. Voilà. Voilà. Sous nos applaudissements. Voilà. On essaiera de parler tout à l'heure parce que lui, il doit avoir des perles et je crois que ça doit intéresser Philippe également qui est très friand tout ça. On va lui en parler tout à l'heure, on va lui mettre un petit peu l'eau à la bouche. Voilà. Ça, ce sera d'ici quelques instants. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à nous contacter au 03 20 83 57 57. On vous rappelle l'adresse du site internet www.galaxyfm.com, le forum également où on veut un maximum d'inscrits ce soir car Capzi sera dans les studios de la radio pour voir un petit peu comment ça se déroule sur le site. Et puis bien sûr, écoutez Galaxy sur le net, c'est désormais possible. live.galaxyfm.com. La suite, avec bien sûr un gros souvenir. Hubert, tu te souviens? Quench. Bien, avec le titre. Ah, j'ai un petit peu oublié, mais tu vas me le rappeler. Et viens de le dire à l'instant, c'était Dreams sur Galaxy. Juste après, on se retrouve tous ensemble. Là, on sait que dans le Up and Down. Oh, le classement du Up and Down. Maxi avec l'instant Dreams, c'était Quench, extrait de la compilation Techno Force. Excellente soirée à toutes et à tous. Tout de suite, Xavier, que vous avez retrouvé il y a très très longtemps sur Galaxy, et bien là il est venu en direct pour un set d'un petit quart d'heure. 24 hours a day, Galaxy. Ah, c'était une petite fausse note là, mais c'est pas grave, on va rembobiner tous les disques et puis Xavier au platine, c'est tout de suite juste après ça. 24 hours a day, Galaxy. Avicii avec un instant le mix de Xavier. Et oui, que vous retrouvez bien sûr du côté de la mandarine tous les week-ends. Xavier, on peut te remercier une nouvelle Merci fois. Merci Xavier. Franchement, là, ce fut un plaisir. On aura l'occasion de te rappeler de toute façon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu pourras revenir. Ah ouais, on le rappellera tout à l'heure. Si je suis sage, je peux revenir. Évidemment. Sans doigt. Mais si t'enlèves pas tes chaussures. Donc Xavier, ce sera tout à l'heure. On aura bien sûr l'occasion de prendre un petit peu la température des discothèques, notamment du côté de la mandarine cette nuit. Ça, c'est le tuneur. Voilà, qui est juste de l'autre côté, qui va un petit peu fort. Non, c'est bon, ils sont bons. Bordel dans cette radio. C'est vrai que je suis sur une colline, mais bon, il n'y a pas d'écho, hein, c'est pas grave. Voilà, ça y est, c'est bon. On a justement un invité ce soir, on vous l'a promis tout au long de cette semaine, avec Mr. Philippe Dont en chair et en os, qui vient d'arriver à l'instant dans le téléphone. Salut Philippe. Et au moment où vous m'appelez égalisation monégasque ici au Stade Vélodrome de Marseille. Très fort Philippe, journaliste sportif. À vous Galaxy. Oui, merci Philippe pour ces résultats sportifs. Excellent. Voilà. Bon, et Philippe, dis, on te dérange pas trop, ça va ? Non, ça va, c'est bien. On t'a trouvé un invité exceptionnel. Pardon ? J'ai pris un abonnement. T'as pris un abonnement ? Bah oui, parce que tu vas passer plusieurs fois ce soir, non ? Tu vas en discothèque ce soir, peut-être ? Non, ce soir, je vais pas en discothèque, non. Qu'est-ce que tu fais de beau, à part faire... Moi, tu sais, c'est les samedis soirs, c'est deux tranches de jambon, une verveine, et puis... c'est typique du retraité, ça, non ? Non, c'est ce que je fais depuis le succès de Boris. Depuis une vingtaine d'années, deux tranches de jambon, une verveine et au lit, des fois un suppositoire aussi. Bon. Et sinon, est-ce que la discothèque Le New Pins existe encore dans le trou du cul du monde où tu es ? Le New Pins, attention, la semaine prochaine, ça va être de la folie. Je vais dire de la folie au pluriel parce qu'il y aura des gogo dancers qui viendront de Paris, la capitale. Et on va également retrouver des tonnes de cacahuètes géantes tout au lieu que ce soit, tu vois, les trucs de fumée et tout. On envoie des cacahuètes géantes dans toute la discothèque. Super. Eh ben dis donc, comment c'est contagieux dans cette région-là. Philippe, les clients du New Pins sont tous pareils. Ah, c'est clair, c'est clair. Philippe, est-ce que tu te souviens un petit peu des délires que tu faisais à l'époque avec Stéphane Baudet? C'était comment ça, un petit peu, raconte-nous. Que fait ça, Stéphane Baudet voulait parler à l'antenne. Alors, on l'a dit, Stéphane Baudet, t'es pas animateur. Ouais, mais je savais parler à l'antenne. Donc, on s'est dit, finalement, il y en a beaucoup à Galaxy qui parlaient déjà un peu comme ça. Donc, on s'est dit, pourquoi pas Stéphane Baudet. T'as des noms? Non. Mais vous voyez que je peux plus revenir dans la région après ce que je dis à l'antenne, quoi. Non, mais on a eu l'occasion de réécouter quelques bandes, on était pliés en quatre, on s'est dit non, c'est pas possible de passer à côté, il va absolument falloir diffuser tout ça. Oui, les gens ont cru que c'était j'avais des réactions quand j'allais en club, on me dit ouais, Stéphane Baudet, ça fait un peu des chiens et tout. Bon, oui, on a entendu ce message. Non, on ne reprend pas ça du tout puisque c'est quelqu'un qui s'exprime comme ça et puis c'est tout, quoi. Et puis on lui laisse sa chance. Maintenant, donc il est passé à 18h, moi c'était un délire de plus, j'ai dit bon, on va pousser le bouchon jusqu'à vraiment le faire passer une bonne heure d'écoute. 18h, c'était quand même la bonne heure d'écoute. Ouais. Et à 18h, il faisait son petit speech, et puis chaque fois on disait bon, t'es pris ou t'es pas pris, puis il y avait un verdict qui tombait un petit peu bidon, mais on s'amusait avec ça, et puis voilà, ça a duré quelques temps jusqu'au jour où on m'a dit d'arrêter de le faire. On a justement quelqu'un qui a bien connu Stéphane Baudet, ouais, qu'on a justement invité dans les studios de la radio. Et justement, on souhaitait le retrouver, malheureusement on n'a pas réussi à mettre la main sur lui, hein. On voulait vraiment te faire une surprise, malheureusement ça a foiré. Bon. Alors on va te le présenter. On va pas réussir tout ce qu'on veut. Hein. Donc en tout cas, on a une personne qui est avec nous, qui connaît très bien, essaye de trouver un peu de qui il s'agit. Vas-y. Essaye de trouver un peu. Vas-y. On a quand même réussi à trouver quelqu'un. Ça peut être Stéphane Laroche. Non. Ça peut être. Franchement, bravo. Non. Mais il va se présenter. Vas-y, on va le laisser parler. Vas-y, dis bonsoir à Philippe. Bonsoir Philippe. Bah c'est lui. On tenait absolument à pouvoir l'embarquer avec nous ce soir, parce qu'il fallait absolument que tu puisses le réentendre. Hein. Ça a été ton collègue de travail pendant un petit moment quand même. Hein. On a bien déliré ensemble, oui. Et si ça marche bien, les gens déliraient bien avec lui. Et puis ce qui était bien, c'est que Stéphane, hein, je sais pas si tu te souviens, mais tu nous racontes un petit peu toutes tes histoires, ce que tu faisais le week-end quand t'allais à la foire de Moucron, tu t'en souviens ? Ouais. Bah, il est allé. Mais parle, c'est ton grand copain Philippe, sois pas timide, hein. Non. Philippe, tu viens de le tagada à Moucron. Oui, je me rappelle. Et quand ça faisait? J'ai pu été à Moucron. Ouais, t'avais été à Moucron. Ouais, j'ai été. Et le tagada. Tagada. Tu te souviens de tagada? Ouais, je me rappelle. Et c'était bien. Bah ouais, c'était quoi le tagada? Parce que bah, nous, on connaît pas, on peut l'expliquer. Ce que c'est que le tagada, oui. C'est comme une assiette. Ouais. Qu'on est assis. Mmh. Le bonhomme de la console, il fait esprit de faire tomber les gens en plein milieu. Ah, c'est mais pas très sympa, il empêche que la personne est se relève. Et se relève. Ça, ouais, d'accord. Mais c'est ça, Philippe? Ah ouais, c'était ça, il nous avait un peu expliqué, là il explique de la même façon, c'est fantastique. Et puis voilà, donc on vivait un petit peu la foire de Moucron en direct sur Galaxy grâce à Stéphane, merci. Ça me donne envie d'aller à la foire de Moucron, moi. Elle n'y est pas là actuellement. Ah non, mais la prochaine fois. Hein. Il y aura le tagada chaque année. Chaque fois, ouais. Bon, du coup, on est obligé d'en parler hein, de ce qui s'était passé. Il y avait aussi un auditeur une fois qui avait critiqué un petit peu Stéphane Baudet hein, sur le répondeur de Galaxy. Tu t'en souviens, Philippe? Bah oui, parce que Stéphane Baudet n'était pas animateur. Alors, automatiquement, pour débuter, hein, Stéphane, tu sais très bien que c'est pas évident de parler comme ça, d'être animateur. Il faut quand même avoir une voix spéciale pour être animateur de radio. Pas tout le temps. Tu sais qu'il a piqué ta place depuis, hein? Ouais, bah remarque-moi, j'ai été remplacé par Willy. Oui, bon, silence radio. Vas-y. Donc on va peut-être rediffuser l'extrait hein, qui était justement diffusé à grandeur d'écoute. Mon but en fait c'était... Non, mais je finis mon histoire, j'ai été remplacé par Willy. Mais ce que je voulais dire c'est que en fait mon but c'était que Stéphane Baudet me remplace. Ah d'accord, oui, carrément. Bon voilà, donc... Stéphane, est-ce que tu veux remplacer Philippe? Bien sûr. En fait, tu seras à la hauteur. Stéphane, je sais pas si tu t'en souviens. On va essayer. Je vais partir de la radio, je cherche un remplaçant. Ouais, je suis pris ou je suis pas pris, hein, c'était ça. Voilà, c'était ça. Et Philippe, oui. Et je suis toujours à la radio, parce que tous les quelques week-ends, je loupe les portes à la radio et je le referme. Ah, c'est ça, mon but pour l'instant. C'est un peu. Que quand un disque jockey n'est pas là, qui n'a pas les clés, c'est moi que je viens ouvrir les portes. C'est le soir, de temps en temps, le refermer. Comme le samedi matin, dimanche matin, de temps en temps, c'est moi. C'est un peu passe-partout, quoi. Jérémy, il peut dire. Et Jérémy, les clés. Vas-y. Et Jérémy, il peut dire. Ah, je confirme tout ce que tu dis. Jérémy ne sait pas tout. Non, mais on en croit. Fait, tu voulais devenir animateur de cette radio, mais maintenant, tu n'es qu'un geôlier. Hein. Tu tiens les clés, c'est pas. T'as un petit peu déçu Philippe, quelque part. C'était devenir animateur. C'est pas moi qui ai choisi, c'est le directeur d'antenne. Oui, mais il faut t'imposer. Tu quand même faire un effort, parce que quand tu regardes bien, Stéphane Laroche est animateur, Tony est animateur, Willy est animateur, tu aurais quand même pu devenir animateur. Voilà, donc c'est à proposer dès lundi rapport. Bon, moi ce que je propose c'est de réentendre en fait l'auditeur qui était pas très très content en fait à propos de Stéphane Baudet. C'est terrible, moi j'aime bien la réaction de Stéphane. Allez, on écoute ça. Tu l'avais chauffé pour qu'il réagisse comme ça, non? Tu l'as mis en rage là. On l'écoute sans plus tarder. C'est parti. Ouais, je voudrais dire que Stéphane Baudet c'est vraiment nul. Et je me demande ce que vous avez pris vous, l'équipe de Galaxy, d'engager un type aussi nul. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. Je préfère encore les chiens. Vraiment, c'est vraiment nul. Attention, droit de réponse maintenant à Stéphane Baudet, vas-y. Bonjour à tous et à tous. Et oui, c'est moi, Stéphane. Et le jeune homme qui vient l'appeler sur le répondeur pour dire que je suis nul à chier. Et toi, tu sais parler au micro? Tu sais raconter des histoires? Hein? Et prends une fois, tu la fermes ta grande gueule. Voilà. Fais ça que moi, depuis le temps que je fais, tout le monde, les auditeurs qui écoutent, qui tout ça, c'est les transistors, qui sont contents, ils m'aiment bien. Si toi t'es un pomme, change de radio, enfoiré. Voilà, ça va, hein. Là, il a eu dans la gueule. T'es claqué là mec. Bravo Stéphane. Là, rien à dire du tout hein. Franchement, le droit de réponse comme ça, c'est nickel. Excellent, hein. Philippe, on aurait fait pareil. Stéphane s'en souvient de ce moment là quand même. Ouais, je me souviens. Et vraiment. T'es encore en colère après l'auditeur qui t'avait laissé ça? Ouais. Et si on l'appelait tout de suite, dis-lui tu pourrais ce que le charrier. Tu penses encore aujourd'hui lui? Passe-lui un message, il est en train d'écouter la radio. Si ça tombe, écoute, hein, on sait jamais. Hein. Dis-lui quelque chose. Peut-être que j'étais nul, mais je savais vraiment raconter des histoires, mais d'un moment, les histoires, c'était vrai. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. En plus, c'est vrai, on a encore des archives avec le cirque. T'as encore envie de lui redire ce soir que c'est un enfoiré? Ouais. Dis-lui. T'es un enfoiré. Ah, il va pas être content, là. Il va peut-être décrocher la radio. Vas-y, tu peux dire plus. Tu peux y aller, hein, y a pas de souci. Hein. Non. Et voici notre ami Gauthier qui arrive. Eh, Philippe Gauthier est avec nous, hein. Oui. Super Radio Galaxy. J'espère qu'il n'a pas bu. Oh bah. Non, t'inquiète pas. On a des ballons ici pour tester un petit peu l'atmosphère. Allez, installe-toi, Gauthier. Tu vas être au courant qu'on est avec Philippe en direct. Là, c'était la place de Stéphane Baudet. Hein. Soit à la hauteur. Stéphane. Soit à la hauteur. Passer après Stéphane, c'est dur. Salut ta pète. Ça commence fort. Je suis le petit poisson dans le bon corps. T'es à Tokyo, il y a un décalage. Ah là, oui, enfin, je suis à l'intérieur d'un avion, là. Ils ont réussi à m'appeler quand même, c'est fantastique. Vol 93, hein. T'es avec Dépêche Mode. Oui, je suis avec Martin Gore, je te le passe, hein, ne quitte pas. Non, parce que... un jour... Ah, oh, attends, excusez-moi, j'explique d'abord aux auditeurs. Un jour, on a expliqué que les Dépêche Mode allaient venir, et il y avait des fans de Dépêche Mode en mode studio. Ils se sont comme si, vraiment, Dépêche Mode allait venir. J'aime beaucoup Radio Galaxy, mais à Radio Galaxy... Mais j'aime beaucoup Dépêche Mode aussi. Les fans étaient là, et ils étaient persuadés qu'ils allaient venir. Ils vont être déçus de ne pas les voir arriver. Hein. Alors, par contre, scoop, Philippe sait très bien faire le groupe Dépêche Mode à lui tout seul. Donc, bonsoir Dépêche Mode. Hi Gucci, hi Galaxy. Oui, bonsoir. It's nice bonsoir, to see you on the plane and we have got you can translate. Il est sur l'avion et il a fini son assiette. Translate after me, I think. And donc, you just make a cock up out there. Donc il a bien mangé et we fuck all the day. Et il salue le directeur d'antenne. C'est pas ce que j'ai entendu, hein. And it's so full with et the évidemment, fuck, il sera avec nous tout à l'heure pour faire la fête. Et boire de l'alcool comme d'habitude, puisqu'on est capable de faire que ça. Merci beaucoup Dépêche Mode et merci, gardez un bout de votre caca, on le donnera à Catherine. Yes, thanks a lot. Thanks a lot et Garonne. Ah, Lot et Garonne, il y a une piste d'atterrissage à Lot et Garonne. Justement, puisque Gauthier est avec nous, ce serait peut-être l'occasion de reparler un petit peu de complètement coincé. Cette soirée avec les profs en fait, hein, qui avaient balancé pas mal de choses quand même assez graves, on va dire, à l'antenne. Il y avait Philippe Dont. Je n'étais pas d'accord pour cette. Voilà, c'était le directeur qui l'avait demandé, hein, si je me souviens bien, voilà. C'est ça. Voilà, c'était le directeur qui m'avait demandé. J'étais pas du tout d'accord parce que moi je faisais que des trucs un petit peu des trucs légaux. Ouais. Oh non, mais. Ne pas confondre avec les jouets, mais je faisais des trucs légaux et je n'aimais pas du tout quand Gauthier avait des mots un petit peu déplacés, voire des phrases déplacées. J'ai jamais été comme ça, j'ai jamais fait ça, c'est ça sûr, moi. C'est sûr. Je me souviens des réunions la veille des émissions où je disais de temps en temps, Philippe, arrête tes conneries parce qu'on va finir par se faire virer. Oui, et puis on a tenté, puis c'est. Non, il n'y a rien eu. On a repoussé les limites. D'ailleurs, je voudrais dire des choses aux auditeurs, c'est que nous allons ce soir vous révéler un scoop. Si je te dis. Ça te dit quelque chose, Philippe? Ça a ronflé toute la nuit. On en a parlé cette semaine en plus. On avait parlé. T'as raté un épisode, on en a parlé hier soir. Hein. Vous avez dit qu'il l'avait fait? Oui, bah, il s'est. Ah, oui, il a avoué. Oui, ça fait, a été dit, ouais. Le scoop de merde. Bah voilà, c'était mon scoop. Donc c'est... Et ça figure même pas dans Voici, donc tu vois. Bon, il y en a d'autres, hein, certainement. Non, mais celle-là, on avait juré qu'on ne le dirait jamais. Et je suis extrêmement déçu, Philippe, que tu l'aies annoncé. Parce il que. Il n'est pas annoncé, mais tu sais, il ne savait pas quoi dire depuis une semaine. Alors, il balance toujours les mêmes trucs, les mêmes délires. Non, mais bon, ça remonte en tout cas, temps. Il y a prescription. Exactement. Raconte-leur les poissons rouges. Il y avait des poissons rouges dans des sacs en plastique partout dans les studios de la radio. Je vous jure que le directeur de cette radio, de temps en temps, a cru voir la Vierge Marie avec nous. On lui a demandé des trucs de dingue. Un jour, je lui ai demandé un budget pour acheter des poissons rouges. Alors j'ai eu 10 balles, je crois. Un gros budget. T'as pu en acheter deux. Il y a eu un plan d'économie sur 10 ans et j'ai acheté des poissons. Il y avait plein de poissons dans le couloir et je suis certain qu'il y a des auditeurs qui ont encore des poissons, Galaxy. Ils sont reproduits, ouais, ils sont gros comme ça. Et puisqu'il y a prescription, est-ce qu'on pourra parler tout à l'heure des coliques qui arrivaient ici? Bizarre. Ouais, il y avait des paquets de nouilles partout aussi. Non, il n'y avait pas de paquets de nouilles. C'est ça que tu veux parler? Non, non, c'était pas les écoliers. Ah. Tu me rappelles, je te le dirai tout à l'heure. Il n'ose pas se lancer en direct. Je me souviens plus de tout. Attends, il le dit. Non, il va le dire. C'est un petit message secret en fait. Apparemment. En fait, il passe par Gauthier pour balancer des trucs à l'encre. On peut le dire, non? On a fait 2-3 conneries. On a envoyé du Glooby Boulga aux gens. Oui, je me souviens. Ouais. C'est Philippe qui l'a préparé d'ailleurs. Et avec quoi vous aviez fait ça? Je ne sais pas, mais c'était dégueulasse. Bon, je sais qu'il y avait des boutons dedans. Oh. Ce qui est tout à fait normal. Non, des boutons de boutons de chemise. Ouais. On avait mis un bouton, je sais pas pourquoi, mais il y avait le truc débile à l'intérieur. Il n'y avait pas de bouton des stagiaires qui étaient à l'accueil. Mais on avait quand même noté, parce qu'on nous avait dit, faites attention, vous allez avoir des problèmes. Alors, on nous avait dit, surtout, ne pas mettre l'inscription, ne pas avaler. C'est vrai. Ouais, quand même. Je me souviens. Parce qu'on pouvait avoir des problèmes. J'aime bien le ton qu'il prend pour dire ça. C'est tellement frais dans ma mémoire. Là, je me souviens vraiment de ça. Et après, on faisait des grosses conneries. Et le lendemain, on nous disait bah, c'est parce qu'ils sont jeunes. C'est des balous. Maintenant, ils pourraient plus dire ça. Ils sont jeunes. Ouais, ça va, mais si ça l'avance bien. C'est des balous. Si vous avez l'argent, c'est des balous. Bon, allez, tout de suite, on enchaîne avec justement le best-of. Le best-of des profs. La version, bien sûr, censurée, hein, quand même, par respect un petit peu pour certains. Attends, tu verras tout à l'heure. Moi, j'ai entendu dire que ça passerait en intégralité tout à l'heure, aux alentours de 1h30, 2h. Ah, mais je dors à ce moment-là. Moi, je serais quand même David Philippe. Hein. Je voudrais être dans. Ouais, ah bah, sérieux. J'ai juste à tourner un bouton. Hein, donc, il y a qu'à tourner un bouton. Hey, Philippe, qu'est-ce qu'on fait? Bah attends, Philippe, tu vas voir. C'est l'émission, on s'est fait dégommer la tronche. Ouais. Oh là là. Mais il y a prescription. Non, mais le lendemain, je suis arrivé à la radio. On va passer la version censurée. Réfléchir tout à l'heure. On va en parler un petit peu. On va en diffuser une deuxième fois. Juste après, le best-of des profs. Réfléchissez sur vos profs. Allez-y, n'hésitez pas. Celui d'atelier, il s'appelle Clarisse. Alors, premièrement, il nous empeste avec sa pipe et ses roulés puants. Oui, il faut aller voir le responsable de ton bahut. Ah, mais c'est déjà fait, mais comme c'est un des plus anciens, bon, bah, il fait ce qu'il veut, quoi. D'accord. Mais son compte est réglé depuis maintenant. Et ensuite? Et ensuite, il y a un de mes potes qui, comme le prof, a habitude de faire du café comme ça vers 10h pour la récré. Ouais. Il y en a un qui a pissé dans son café et le prof l'a bu. Pauvre. Alors qui a pissé dans le café du prof? C'est Filou. Ouais. Donc ouais. Filou a pissé dans le café du prof. Prof l'a bu. Et le prof a tout bu. Samedi matin, 4h de maths à cause d'un prof. Et ça fait que là, on en a marre, on attrape des barres, des équations, on en a marre. Il est chiant, comment s'appelle-t-il déjà? Vincent. Son surnom, c'est Criquet, quoi. On lui lâche un pet dans la tête, il s'envole tout seul, quoi. Ok, d'accord, merci, ça t'a fait du bien? Ouais, ça m'a fait du bien. Je sens que t'es encore un peu angoissé, crie un peu, défoule-toi sur en tête, vas-y. Espèce de puant. Merci. J'ai une prof d'espagnol. Oui. Elle me dégoûte, c'est incroyable. Comment elle s'appelle? Gonzalez. Et donc elle te prend la tête? Ouais, elle me dégoûte. Mais comment vous l'appelez dans le bahut? Vous l'appelez comment cette dame? La sorcière naine en plus, elle est pas très très grande et elle est un petit peu laide donc. Je voudrais dire que moi c'est très méchant de casser tous les professeurs parce qu'ils sont tous gentils avec moi. Oh. Alors lui, si on va premier rang, je veux dire. Lui au premier rang. Fayo. Pas du tout. Je fais un appel pour sauf qui peut. C'est pour prévenir qu'à Roubaix, il y a un professeur nommé Monsieur Couterel. Et on voudrait qu'il arrête de se gratter en cours. Qu'est-ce qu'il se gratte? Bon bah disons qu'il se gratte les testicules ou les gonades, si on pourrait être les plus précis. Il se gratte les coucougnettes. Oui. On voudrait qu'il arrête aussi de nous parler de son chien. J'ai l'impression qu'il doit avoir quelques relations sexuelles avec son chien. Avec son chien? Peut-être que son chien lui touche les coucougnettes. Peut-être, je ne sais pas. Ça doit être certainement. Peut-être qu'il lui léchouille les coucougnettes. Les petites coucougnettes à la maman. Ça nous excite plutôt qu'autre chose. Ouais, c'est top. Je suis à Gaston Berger. Puis il y a un prof qui me prend la tête. Il n'est pas fumé de jouer en cours. C'est quoi ce délire? Cool le mec. C'est Barbouille. Il prend la tête en fait. C'est un fils de pute. Est-ce qu'il y a déjà fumé un joint, Barbouille? Je sais pas. On s'en fout de la gueule en fait. Moi. Ah ouais, mais t'as raison. On est là pour foutre le bordel en classe. Tu veux descendre quelqu'un sur antenne? Ouais, ma prof de maths. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Ouais, Bartier. Ouais, une vraie folle, elle t'engueule et elle regarde le voisin de devant et tout le bazar. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, c'est Bob. Ah, ça y est. On vient de descendre. Elle est là, la factice, mon nom. Elle est à l'hosto. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est là, la factice, on vient de descendre. Bon, d'accord. Bah, écoutez. Eh ben, écoutez. Non, c'est une blague. On a eu peur un moment. On a failli faire des points à l'ultimate avec cette histoire-là. Oh, on a failli ameuter toute la France. Tu t'appelles comment? Emmanuel. Et alors, tu vas nous dire quelque chose? Oui, je voudrais abaisser Monsieur Brousse, prof de gym, à tremplin. Il vous fait courir en short? Ouais, et il regarde notre culotte. Il regarde votre culotte. C'est un cochon. Le professeur, il regarde la culotte des filles ou des garçons? Des filles. Bah ouais, filles. Tu diras, je serais prof de sport, je ferais pareil. Je dis, franchement. Alors, il vous dit jamais jaune devant, marron derrière? Je voudrais casser quelques profs, quoi. Ouais, vas-y, casse. Bah voilà, il y a déjà mon directeur qui me fait vraiment chier, lui c'est vraiment un fils de pute, quoi. Et comment il s'appelle aussi? Il s'appelle Saro. Ouais. D'accord. Alors, j'ai encore mon prof de gym qui lui, c'est vraiment un con, un roux. Il fait vraiment chier son monde à mort. Et puis, il y a encore un prof que je voudrais casser. Vas-y. Vanderberg, le prof de dessin, c'est un gros crash. Ah ouais, j'ai connu. Alors vas-y, je te propose un truc. Un petit jour, on va le frapper. Tu cries pendant 5 secondes, ça va te défouler, tu vas voir, ça va te faire du bien. Vas-y. Bande de fils de pute. Bravo. Et attends. entendu un gros mot. Je tiens à dire que tout ce qui est dit sur antenne aujourd'hui, on n'est absolument pas responsable. Malheureusement, on se débine. C'est notre directeur qui nous a dit de faire ça. Allô. Ouais. Oui, tu as envie de dire quelque chose à propos de tes professeurs? Oui, c'est des fils de pute. Oh, oui. Non, bah d'accord, alors c'est terminé. Allô. Pas de gros mots, hein? Ouais, c'est le proviseur de mon lycée, c'est Alain Savary, votre Léo. Oui. C'est un rouget, ce mec, un petit chauve à lunettes et tout, il se prend pour un... Ah, les chauves remontent d'une place cette semaine. Il se prend pour un jazz. Oui, il se prend pour un show du fou. Ok, d'accord. Donc ouais. ça te fait du bien de parler un petit peu de lui, sur Antoine. Ouais, super, ça. Je suis proviseur dans un établissement de la communauté urbaine de Lille. Ouais. Et je voudrais dire à tous mes élèves qui ont téléphoné tout à l'heure que ça va très mal se passer à partir de demain. Ils commencent à en avoir marre de vos conneries. Hein. Que nos élèves nous critiquent, ça ne va pas, ça. Ouais, hein. Et dès demain, à 8h, hein, je veux tous les voir au garde à vous dans ma cour de récréation. Hein. Mm-hmm. Et il y en a plus d'un de mon lycée qui ont téléphoné. Hein. Et ça va mal se passer, Gauthier. Mm-hmm. Et je vais descendre à Galaxy, là. Dans un quart d'heure, je suis à Galaxy. Hein. Ils sont complètement giclés de la nouille. Et alors, Philippe? C'est notre directeur qui nous a dit de faire ça. Alors là, les giclés de la nouille ont fait très fort. Et alors, Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Pas de couilles? Là, c'est bien. Mais j'avoue quand même qu'on en a rajouté, parce que quand les mecs donnaient pas le nom, nous on fait « comment il s'appelle? Comment il s'appelle ?» Ouais, je sais, mais c'était trop long, en fait. 2 heures d'émission, c'est trop long. Ça, c'est grave. Non, mais c'était terrible, ça, quand même. Vous avez eu quand même des problèmes juste après ça? On n'a jamais eu de gros problèmes, tu sais, Guillaume. C'est Guillaume qui parle. Oui, c'est moi, ouais. Non, mais on n'a jamais eu de problème. Nous, on avait des couilles, Guillaume. On osait tout faire, tout dire. Oui, bon, il y a certaines choses qui ont quand même changé un petit peu, hein. C'est plus trop là. Vous avez voulu les changer, c'est tout simple. Mais bon, c'est grâce à ça quand même que Galaxy a un peu explosé, j'imagine. Oui, mais n'a pas implosé. Voilà. En tout cas, moi je trouve ça très fin et très léger. Hein. Ouais, voilà. Et moi je t'emmerde. D'accord. Et je crois qu'on peut féliciter également Tony qui vient de nous rejoindre. Oui, je sais, parce que... bravo, Tony. On l'attendait, voilà, ça fait calmer un petit peu. D'ailleurs, ce serait plus. Tu vas de l'humour, tu débarques. Ouais. Il a armé le sac de blagues. Bon, on peut peut-être l'interviewer, Tony, parce que c'est quand même une pièce maîtresse de la radio, vu qu'il est là. Il est fondateur de Galaxy, quand même. Il était là au tout début. Avec toi, Philippe, tu es arrivé juste en même temps que Tony, ou alors comment ça s'est passé? Moi, je suis arrivé après Tony, moi j'étais un petit jeune, moi. Ouais, t'étais un tout petit jeune. Non, bon. Ouais, j'étais un tout petit jeune. Tony, c'était le chef. Ouais, bah j'imagine. Il va arriver là dans les studios. Enfin, en tout cas, il est dans les couloirs, juste histoire de prendre le casque à l'instant. Est-ce qu'on peut faire venir Tony, s'il vous plaît, en direct à l'antenne de Galaxy qui arrive. Voilà, ça y est, il va arriver d'ici quelques secondes. Histoire de meubler un petit peu. Bon, sinon, Philippe, on balancera ton best-of, bien sûr, avec Boris. On te remercie une nouvelle fois. On va essayer aussi de recontacter. Tu nous avais envoyé par mail les mignons, c'est ça? C'était les grands reporters. Les mignons étaient en fait. C'était un couple à l'époque. Est-ce qu'ils sont encore un couple? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ce sont eux les pièces maîtresses des GRD, les grands reporters discothèques. Alors, si vous pouviez les retrouver, ça serait fantastique, parce qu'on n'a pas de nouvelles d'eux depuis plus de 10 ans. Et ben voilà, on lance un appel. Donc, si les mignons, c'était un couple à l'époque, voilà. Qui avait fait donc les grands reporters. Tu les connaissais, toi, Gauthier? Oui. Oui, donc. Je sais pas de quoi vous parlez, mais. Les mignons, ceux qui avaient fait les grands reporters, en fait, de discothèques. Je me souviens plus. Philippe? Non, je crois qu'il était parti à ce moment-là, Gauthier. Ah, bah, c'est pour ça que je m'en souviens plus. De la radio. Philippe. Il avait été viré. Philippe. Oui. On a notre directeur d'antenne au micro. Mon Dieu, vite, cachons-nous. Mesdames et messieurs, Tony Mac. Tony Mac, bravo. Salut Philippe. Ovation pour tout le monde. Bravo, bravo, Tony. Salut Philippe. Salut Tony. C'est à cause de nous qu'il a attrapé des cheveux gris. Il y en a pas mal, c'est vrai. Tony, bon. Quand même, tu peux dire, Gauthier, parce que Tony, il était planqué dans son bureau le mercredi après-midi, il n'osait pas bouger. Bah, Tony, il a pris un cheveu gris par connerie que vous avez dit. Alors, t'imagines ce que ça a fait aujourd'hui. Il y en a eu un paquet alors, hein. C'est-à-dire que il faut se rappeler que les giclées de la nouille, donc le mercredi, est une émission qui est née un soir très tard. Que l'émission on l'a préparée le mardi. Donc le mardi à 20h on avait. Tu parles d'une préparation. Oui, bah quand même, il y avait quand même au moins 4 heures et 2 bouteilles. Donc on commençait à 20h, on se disait qu'est-ce qu'on fait demain. C'est d'ailleurs très professionnel, c'est vrai. Logiquement on planifie un peu, mais là qu'est-ce qu'on fait demain? Donc on faisait, on avait planté des Bicky Burgers sur la planète Bouffetou. Voilà, donc on avait la course une idée. Au trésor aussi. Parfois c'était des très bonnes idées, parfois c'était pas terrible. Et donc le lendemain, quand on y arrivait, eh ben, il découvrait un petit peu le délire du jour. Le jour où on a mangé des chips pendant toute une journée, en fait, c'était complètement débile. La radio s'appelait Chips Paprika. Et donc on a changé tous les jingles, on n'entendait plus du tout Galaxy. Et le principe qu'on avait demandé à chaque animateur, c'était qu'à chaque fois qu'il faisait une intervention, il bouffait des chips en même temps. Voilà, donc c'est peut-être que l'alcool de la veille était un peu plus fort que les autres fois. Et donc pendant toute une journée, on bouffait des chips, ce qui était complètement ridicule. Et c'était des jingles du style plus d'huile et moins de sel. Et bienvenue sur Chips Paprika. Donc forcément, au bout d'un moment, les gens craquaient un peu autour de nous parce qu'ils disaient qu'est-ce qui va se passer mercredi, quoi. Et tout le monde avait joué le jeu alors. C'était bien gentil, ça encore, c'était le début, mais après il y a eu après on a carrément eu les gros moyens grâce à JPV qui nous a offert un hélicoptère, on a pu partir en hélicoptère. Hein. C'est pour ça que je me planquais. Je me suis fait un jour enlever par des ovnis. Et ma mère a eu peur. En fait ma mère m'écoute. Je crois qu'elle a pas écouté Galaxy depuis 10 ans. Bonjour maman. Elle peut nous appeler si elle veut, hein. Non. Non. En tout cas, je sais que depuis qu'on a fait ces émissions Le JK de la Nouille, j'ai constaté qu'à Waterloo, il y avait un nom de pompe funèbre. Ça, c'est RVU, ça. Ça, c'est RVU, ça. Il y en a partout. Tu peux pas faire. D'ailleurs, RVU, c'est lancé dans le métier. Ouais. C'est vrai. Il y a trouvé le pion. Il y a des pompes funèbres à toutes les rues. Je me sens hyper responsable. Non, mais c'est pas une blague, hein, pour RVU. Je sais bien, j'ai déjà rencontré un. Non, mais ça va. Et moi, Gauthier. Oui. Gauthier, moi je me souviens que je lui ai fait faire le rôle du regretté Philippe de Dieu le veut. Ah. Donc il devenait Philippe de Donc le veut. J'adore. Et en fait, comme je ne préparais pas du tout, je ne savais jamais où on allait dans l'émission, j'étais dans l'hélicoptère et quand je ne savais plus, je passais l'antenne à Gauthier disant Gauthier, il reste combien de temps? Il reste combien de temps? Et je ne savais dire que ça en fait. Et ça durait une heure, on trouvait ça bien. Alors, il faut saluer Béatrice Lafouille, ouais, qui était la candidate malheureuse puisqu'elle se faisait traiter pendant toute l'émission. C'était le concept. Et donc elle devait trouver un trésor. C'était d'ailleurs un biki. Qui avait joué le personnage à l'époque? Alors, moi je faisais l'animateur. Oui, mais sans le sait, la fille. Fille de Donc le veut. Et Béatrice Lafouille, oui. C'était une copine qui s'appelait Béatrice, qui nous écoute peut-être ce soir. J'ai vu il n'y a pas longtemps. Qui s'est pas super amélioré d'ailleurs. Alors justement, on a le Bicky Burger, hein, la course au trésor, hein, c'était il y a bien longtemps. On va vous le diffuser, histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, ouais, on l'a. Mais par contre, sur la course au trésor, on a quand j'ai écouté ces émissions-là, j'avais toujours de l'émotion quand on gagnait le truc à la fin, bizarrement. J'avais des poils qui se dressaient, c'était bizarre parce qu'on était vraiment dedans quand on faisait nos conneries. On était habité par les personnages. Voilà, et ben c'est parti. En un mot. C'est pour les 25 ans de Galaxy et c'est tout de suite. Plus que 15 minutes, même pas 15 minutes. Et toujours cette chasse au trésor, deuxième pays. Nous sommes à présent en Belgique avec Béatrice Lafouille qui vient de pouvoir nous dire qu'il pourrait s'agir, je dis bien pourrait s'agir, d'une. Une baraque à frites. Alors, Philippe. Oui, je vous ai bien entendu, une baraque à frites. Voilà, sur la plage je vais monter sur ma moto parce que j'ai laissé Jaco avec son hélicoptère sur la plage. Ok. Je prends sur la digue, on n'a pas le droit, mais je vais être obligé de le faire finalement. On démarre. Attention, Philippe. Voilà. Voilà, ça y est. Voilà. Alors, écoutez, je me dirige donc vers. Une baraque à frites. Une baraque à frites. Elle doit pas être très loin, je pense. Non, non. Est-ce que vous la voyez? J'en vois une sur la droite, effectivement. Oui. Deuxième carrefour. Dépêchez-vous, Philippe. J'arrive. Roulez plus vite. J'ai pas de casque, il y a du vent. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. Plus vite, plus vite. J'y arrive. Attendez, je vais commencer à freiner. Oui. C'est bon. Voilà, ça y est, on y est. Alors, écoutez, Monsieur, je vois un gros monsieur dans la baraque à frites. Monsieur, alors écoutez, je vais répéter peut-être les indices. Les indices. Parlez-lui en flamand et dites-lui qu'on cherche un magasin avec des roues. Attendez, le frère du trésor s'appelle Hamburger. Dites-lui. Hamburger. Dites-nous ce que. Qu'est-ce que je dois demander à ce monsieur? Mais calmez-vous. Écoutez, je pense que. Il reste combien de temps? Il ne reste plus grand-chose, il reste. Attendez, je vérifie. Le chrono! Il reste 6 minutes, même pas. 6 minutes alors? Une petite minute. Alors, demandez à Béatrice ce que je dois demander à ce monsieur dans la baraque à frites. Béatrice, qu'est-ce que Philippe, dont je veux, doit demander au monsieur qui se trouve dans la baraque à frites? Je ne sais pas, je voudrais vraiment le dernier indice, s'il vous plaît. Bon, écoutez, Philippe, ne bougez pas, je vous donne le quatrième et dernier indice. Très vite! Chrono, combien de temps il reste? Attendez, arrêtez de me le demander à chaque fois, je dois calculer. 5 minutes! Énigme numéro 4! Les giclées en ont planté sur la planète Bouffetou. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je ma moto. Changez de baraque à frites. Mais oui, une autre baraque à frites. Mais qu'est-ce que vous foutez, Philippe? Il reste plus grand chose, il reste 4 minutes. Avec des fricadelles, ah là là là là. Philippe. Oui, Philippe. 30 secondes. Écoutez, il y a la friterie, il y a la... Cette fois-ci, c'est une dame qui est à la friterie. 30 secondes. Non, Béatrice, Béatrice. C'est dur, Mickey Burger. C'est un Mickey Burger qu'il faut trouver. C'est le croissant. J'ai bien compris. Allez-y, mais elle est en train de le faire. Attendez, attendez, madame, s'il vous plaît, faites prêt. Combien, combien? Allez, dépêchez-vous. La sauce est mise, dit la partie supérieure. J'ai le Mickey Burger, j'en mange un boulet. Top, on est au top. Bravo, Philippe de la Nouille. Vous êtes encore une fois les meilleurs. Bravo. On va faire quelque chose d'exceptionnel. Ça ne serait jamais fait. Il y a plusieurs centaines de kilomètres, mais ils vont s'embrasser. Embrassez-vous, Philippe. Oui. Don't lever, Béatrice Lafou. Ils vont s'embrasser à distance. Je l'embrasse. Allez-y. Bravo. Bravo. C'est merveilleux. J'embrasse aussi la dame qui m'a confectionné un Mickey Burger en moins de 20 secondes. Oh, madame. Bravo. Three out. Thank you. Recht bees out. Recht out. Merci. Bravo, félicitations, Philippe. 20 000 francs pour la chasse au trésor de Béatrice Lafouille. Voilà, c'était ça, la course au trésor avec Philippe Dont et les giclées de la Nouille, avec Gauthier, bien sûr, inoubliable. Quel talent. Franchement, c'était fort, hein. On se croirait vraiment dedans dans un film. Hein. Tout en live, c'est-à-dire que... C'est ouais, c'était impressionnant. Flamand, ça. Ouais, tout en live, parce qu'évidemment, à l'heure où on finissait, on n'avait rien vraiment enregistré. Philippe faisait quelques jingles, dont le Mickey Burger, tu peux le refaire, Philippe? Yeah, what's Mickey Burger? Ah, donc c'est ça qu'il faisait. Et le lendemain, alors, on venait des motos, des bruitages et tout ça, le CD de bruitage, on l'a usé. Et... Non, c'est bien. Mais moi je me souviens quand même que Gauthier ne savait vraiment pas que j'allais vraiment parler flamand, en tout cas faire semblant phonétiquement de parler flamand, et je me souviens qu'il était mort de rire derrière la glace quand je me suis mis à parler flamand. Ça le fait encore rire aujourd'hui. C'est hein. J'ai beaucoup ri, c'était vraiment très très bien. Que de souvenir, que de souvenir. On va peut-être embrayer tout de suite avec le premier best-of Boris de la soirée que Philippe Dont nous a gracieusement offert pour les 25 ans de Galaxy, et on se retrouve d'ici quelques minutes. Ouais. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit bonhomme qui s'approche loin. Quand on regarde bien, on voit une ombre avec une petite casquette mauve, un petit pantalon rouge et un petit sac en bandoulière. On dirait que c'est Boris qui revient au pays. Boris revient. À mon avis, c'est pour l'anniversaire de Galaxy. C'est un beau cadeau. Ton retour est un joli cadeau, Boris. Ta présence va nous émerveiller. Pour les 25 ans de Galaxy, Boris revient. Il a l'impression qu'il y a des guêpes métalliques qui tournent autour de lui. Attention les guêpes. Elles viennent de partout. Les murs qui suintent dans la maison de Boris. Et quand ça suinte, ça donne des perles. Des perles jaunes. Ça donne naissance à des guêpes métalliques. Vient d'entendre une explosion. Boris a eu très peur. Deuxième explosion. Boris descend dans sa cave. Il installe son masque à gaz. Il croit à une attaque. Une attaque de l'ennemi. Une attaque atomique, peut-être. Enfile ton masque à gaz, Boris. Ça attaque de partout. Boris s'est fait construire il y a quelque temps un abri atomique. Cet abri lui sert à se protéger des... Des nouvelles du quartier de Boris. Autant vous dire que tout s'est très mal passé. C'est maintenant une alerte générale dans tout le quartier à cause des... Ce serait bien, selon Boris, une attaque atomique de... Boris, ce soir, est à sa fenêtre. Il a ouvert sa fenêtre et tous les gens sont venus l'acclamer. Boris, vivant, en chair et en os, est heureux de saluer toute sa rue. Les bergers qui jouent du piano, debout, parmi les anges, et qui fêtent sa présence parmi tous les vivants, et le public dehors dans la rue qui l'acclame. Bravo Boris! Boris qui est toujours là, qui lève les bras vers le ciel, le visage tendu vers les passants en bas. Tout le monde le regarde, Boris est heureux, il rayonne. Sur Galaxy, bien sûr, avec Philippe Don, toujours à l'antenne avec nous depuis 21h30. Gauthier nous a rejoint, des giclées de la nouille, bien sûr, Robert toujours en studio, et puis pas mal de monde hein, juste à côté qui sont en train de festoyer littéralement. Ça va Gauthier? Je salue l'équipe de l'âge de Zorro, représentée par Elia, qui est venu avec un petit magnum de Laurent Perrier. Allez, on boit un coup à la santé de Philippe. Je pensais qu'il y aurait des verres en Philippe, en on a encore des bulles ce soir. Santé Gauthier. Buvez un coup les gars, buvez un coup, profitez-en. Le dernier jour. Non. Oui. Bon, non, malheureusement. Bah non. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. J'aimerais revenir sur une chose, hein, c'était avec Bézu. Alors Bézu apparemment était venu dans les studios de la radio. Est-ce que c'est vrai? On a oublié celui-là. Alors mercredi, on fait les giclées de la nouille. Ouais. Tout se passe bien, une émission conne comme toutes les autres. Ouais. À un moment, on dit à l'accueil, il y a Bézu qui est en train d'arriver. Je dis ouais c'est ça, et le pape aussi, il finit de s'habiller, il arrive. Et en fait, non, Bézu monte l'escalier. En fait, il était dans un bar à Tourcoing. Ouais. Il nous écoutait, il a trouvé ça vachement rigolo. Donc il a cherché à avoir l'adresse de Galaxy. Il est venu et on a sympathisé, c'est devenu un super copain. Et il est revenu. Oui, et d'ailleurs il avait été tout juste limite ce jour-là parce qu'il a une petite attirance pour les tout jeunes garçons. Et donc c'était un peu bizarre, mais on est devenu très copains, on lui a fait un remix. Alors vous n'allez pas me dire que vous avez le remix qu'on a fait en studio. Et non, on a quand même pas mal de choses, mais le remix de Bézu on l'a pas. Hein. Ah non, ça j'ai pas vu encore Olivier. Passer, non. Olivier, est-ce que tu as le remix? On l'a ramené en fait. Ah oui? Non mais c'est pas vrai. Voici, je te jure, sur la tête de ma mère qui clique donc ce soir, que je ne l'ai pas entendu depuis 15 ans. Mais le fameux réveil trompette, tu te souviens de ça? Ah bah oui. T'aimais bien ce truc-là. On l'a passé tout à l'heure justement. Ah ça je me souviens. Ouais. C'était ça. Non mais c'est pas ça. On a tout. C'est le remix de Bézu. Je vais peut-être le rendre. Je me réveille, j'entends une trompette. Ah ça c'est la trompette ça. Alors c'est ça que tu mettais souvent c'est, dans. C'est toi qui me l'avais fait connaître, ce disque. T'aimais tellement ce truc-là que tu m'as dit sinon j'aime bien les Beatles à la base. Il n'y a pas que Bézu qui aime bien. On avait eu les Beatles une fois dans la fameuse cassette. Le gars qui chantait Yesterday. Tu te souviens de celui-là? Oui, on commençait par deux Beatles, Philippe. Excuse-moi d'être précis. Deux Beatles. On rappelle une radio d'ailleurs. Ça. Je suis rentré sur Galaxy pour l'émission du soir qui était Galaxy Rock parce que j'adore le rock. Super réussi. Hein. Extrêmement bien réussi. Pendant 4 ans, j'ai bouffé de la techno. Bon, t'as fini par aimer quand même. Hein. Ah, ben j'aime super bien. Il y a des choses intéressantes. Hein. Mais Galaxy Rock, on n'en parle pas souvent parce que maintenant on est plongé dans la musique électronique. Là. Mais un truc qui a bien cartonné, Tony pourra te le dire, parce qu'il en parle des fois dans les interviews qu'on voit à la télé. Hein, parce que Tony passe sur C9 maintenant, en ce temps. C'est vrai. Et c'est puis il en parle, mais c'est vrai que Galaxy Rock est un truc qui était une émission quand même un petit peu. Qui n'était pas du tout une émission humoristique, mais on parlait, on savait de quoi on parlait, on savait ce qu'on diffusait aussi. Quoi. On avait des burnes. Excusez-moi. Un petit peu avant-garde. Et d'ailleurs, je m'étais juré de le dire aussi, c'est que en 91, quand je suis arrivé à Galaxy. Tu étais homosexuel. Non, ça c'est venu plus tard. On avait un cahier que Tony. Je vais lâcher des bombes. Je vais lâcher des bombes, je sens qu'on va pas beaucoup m'aimer. On avait un cahier avec 4 souvenirs par heure. C'est vrai. Ouais. Et j'avais Eros Ramazzotti, una storia importante, Tony. Ah oui, il aimait bien Tony. Bah oui, c'est Tony Maquet, ça te dit rien. Il y avait David et Jonathan, est-ce que tu viens pour les vacances? Ah, aussi, il aimait bien Tony, fallait l'arrêter. Alain Souchon, poulailler son que t'as jamais mis. Poulailler son. Tony n'était pas du tout techno, hein. Non, c'était pas. C'est ça, on passait. On était une espèce de sous-énergie. Chanson française, on devait se battre pour qu'il arrête de mettre ses merdes. Alors, moi, un jour. Me v'là, Philippe, v'là Tony. Le droit de réponse, droit de réponse à Tony. Tu te souviens de ton cahier? Il était vert. Tu viens pour les vacances, oui, bah. T'as vu, il aime bien encore. Tu l'as? Non, ils l'ont pu. Non. Et un jour, je suis rentré dans le bureau de Tony, j'ai dit ton cahier avec tes souvenirs, excuse-moi, mais je peux plus continuer, sinon ma mère, elle m'écoute plus. Je parle beaucoup de ma mère ce soir, mais. Et donc. On a arrêté les souvenirs comme ça, tu m'en veux pas? Bon, très bien. Et justement, pour toi, Eros Ramazzotti. Et non. On a plutôt le Bézu qui attend de. Non, mais le Bézu, tu l'as vraiment. Le Bézu, on l'a vraiment. Feu. C'est un petit peu remixé, c'est un petit peu mieux que David et Jonathan. Ça vaut le coup d'oreille. On va revenir justement sur l'arrivée de Bézu dans les studios de la radio. Je crois que ça pue hein, comme remix, je crois. Et on passera bonjour, monsieur Bézu. Et t'imagines, c'est le vrai Bézu. Tu sais que c'est un giclet, hein, le Bézu. Ouais. Comment t'as découvert Galaxy, Bézu? J'ai découvert Galaxy au Tio Café. C'est un petit café dans une rue piétonne à Tourcoing. Je suis né à Tourcoing, tu vois. Le Tio Café, c'est un garçon qui était très raisonnable avant d'avoir découvert Galaxy. Quand ça lui plaît beaucoup, il ferme la boutique et le Tio Café maintenant s'appelle le Tout dit fermé. Bézu, voilà. Il y a une musique que vous aimez particulièrement. Oh là là. Vous écoutez Galaxy, n'est-ce pas? Dédié au patron du Tout dit fermé, oui, à Christian. Oui. Oh là. Il vit sur l'air de la trompette. Oui, parce que Bézu vient de découvrir en revenant dans le Nord, le matin, quand je me réveille, j'entends la trompette. Je vais ramener ça à Paris demain à la classe, je vais ramener la trompette. D'accord, on fera la trompette à la télévision. Bézu, vous allez nous expliquer un de vos périples dans la région. Ah ben d'abord, obligatoire quand je... Quand je descends à la gare de Tourcoing, je fonce à Moucron. Puis alors je fais le tour de la place de Moucron, je vais dire bonjour au maire parce que je suis très, très bien élevé, je vais dire bonjour au maire. Après je vais direct à l'Éden. Et puis pour me détendre après, j'ai emmené le chanteur très romantique, Hervé Villard au Boccaccio. Hervé Villard au Boccaccio. Et j'ai transformé Caprice et Fini en techno. Au Boccaccio où vous avez dansé, mon cher Bézu. Oui. Comment ça se passe Bézu au Boccaccio? Je sais pas. Je sais pas parce que je me suis. Bien plus bien, mais oui, d'accord. Je suis resté en plusieurs heures et j'ai mélangé un petit peu tout le monde. Il y avait, tu vois, il y a eu un mélange des genres. Oui. C'est assez étonnant. En tout cas, j'étais le seul chauve. Bézu, bon, nous savons tous, nous les giclés, que vous êtes un cochon. Oui. Sexuellement parlant, oui, on voudrait quelques détails. J'ai été élevé comme ça. Vous avez été élevé parmi les cochons. J'ai été élevé, oui, parce que j'étais justement à Étainpuis, on en parlait tout à l'heure, au pensionnat des frères des écoles chrétiennes qui nous élèvent à la dure, qui vous obligent à dormir avec les mains au-dessus des draps. C'est pas vrai. Et alors, on attendait l'extinction des feux et on se finissait tous à la main pour faire mouiller les soutanes de ces vieux dégueulasse. C'est grave, c'est grave. Bézu, on voudrait savoir un petit peu si, sexuellement parlant, tu es hard cochon ou bien plutôt côté sentimental Sentimental, mais j'aime bien tout de même pendre une petite jeune fille innocente par les pieds, tu vois. Par le pied. Par les pieds. Les pieds, afin de lui faire un petit mouvement de balancier et afin qu'elle se colle progressivement dans mes poils, car je suis très velu. Tout ce que j'ai pas sur la tête, je l'ai partout ailleurs. Bézu, vous êtes en train de me faire bander. Bézu, j'ai une question. Est-ce que t'aimerais avoir un sexe qui traîne par terre? Oui. Bah coupe-toi les jambes alors. Bézu, ouais. T'as déjà vu ma trompette? Oh là là, voilà, c'est fini. Ah, c'est si je pouvais l'avoir tous les jours. Sinon, tu sais ce que je fais quand j'ai bu une gueuse après avoir bu une gueuse à l'Éden à mon. Non, je sais pas. Bah, je vais juste à côté à l'Isli en boire une autre. Tu connais tout le monde à Moucron, ouais, en fait. Ah bah oui, je suis le tour. Je fais le tour de la place. Si tu connais tout le monde à Moucron, est-ce que tu connais peut-être Carmelo? Oui. Carmelo, il y a un grand chapeau. Grand chapeau. Il y a une petite barre là, il parle comme ça. Je vais te montrer, tu vois, Bézu. Ah, oh, tu sais, Stéphane, hier j'ai vu Carmelo, disait, mais ça sentait la cocotte dans ma voiture. Eh ben Carmelo, ça nous fait un grand plaisir en fait quand maintenant qu'il nous téléphone sur Galaxy. Voilà, voilà. On a quelque chose à donne un petit coup de trompette à Bézu, Carmelo. Bézu, je vous remercie vraiment d'être venu aujourd'hui. On va aller boire un coup maintenant. On va aller boire un coup. Bah, les projets immédiats, c'est d'aller chez Christian au petit café rue de Lille à Tourcoing. Oui. Après, j'attaque tous les bars qu'on vient de citer à Moucron. Oui. Je fais un petit tour avec nos amis de Courtrai et je finirai au Boccaccio dans les bras de Grace Jones. Ça va mal finir. On peut remercier Bézu. Merci, un gros bravo pour Bézu. Ouais. Merci à vous. Bézu, vous êtes giclé de la nouille. Oh. Est-ce que Bézu, pour terminer l'émission, va nous faire un petit quelele en direct avec les applaudissements pour rythmer le truc? Allons-y. Ah, ah, ah, la quelele. Ah, ah, ah, la quelele. Ah, ah, ah, la quelele. Tout le monde s'éclate. Oh, la quelele. Salut les giclés. Giclé de la nouille. Oh, conne, bon Dieu, vous êtes giclé de la nouille, là, hein. Y a pas de problème. Le matin, je me réveille, j'entends une trompette. Il y a déjà deux trompettes. J'ai une trentaine de trompettes. Galaxy avec une production à l'instant de 1991. Hein, ça ne rajeunit pas tout ça. Réveil avec, trompette. Le fameux réveil trompette. Bien ça. Hein, c'est, c'est pas extraordinaire. C'est toi qui me l'as fait connaître. Oui, bah, excuse-moi. J'ai aussi. Non, mais c'était dans ton délire. C'était pour t'amuser que tu le passais. Je me souviens très bien. Non, mais zut alors. Tu m'as pas dit que t'avais craqué là-dessus. Hein. Apparemment, tu l'as usé pas mal ce disque-là, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Oui, ça plaisait. Il a fallu en racheter plusieurs. Excusez mes goûts musicaux, mais j'ai bien aimé. Ouais, juste je préfère encore écouter Snap cette semaine. J'ai écouté Galaxy. C'est terrible. Et j'ai trouvé que ce morceau était toujours absolument lequel. Rhythm is a Dancer. Ah, c'est terrible. C'est le meilleur qu'ils aient fait, je crois. Bon, en tout cas, moi, j'avais zappé de ma mémoire ce truc-là avec Bézu. C'est vrai? Incroyable. Hein. C'est Olivier qui me l'avait envoyé, Olivier Curtis qui me l'avait envoyé par mail. Il est terrible, là, Olivier. Ouais. Et même, j'ai entendu la voix de Stéphane Powell qui était un moment sur Galaxy. Voilà. Steph le Galaxien. Voilà, Steph. Et pas si le recontacter d'ailleurs. Et Philippe, je voulais qu'on revienne sur un événement. Oui. Un mardi soir donc, on réfléchit à ce qu'on va faire le lendemain. On était fin novembre et on s'est dit on va fêter Noël. Voilà. Ah, oui, voilà. Puisque nous sommes à peu près tous décalqués de la tête dans cette radio, donc c'est normal de fêter Noël un mois avant. On est d'accord. D'accord. Ouais. Mais évidemment, pour pousser le vice jusqu'au bout, Philippe est retourné chez lui, je suis retourné chez moi. On a pris le sapin de Noël, les guirlandes, les boules. On est revenu à la station, on l'a décoré. On a ressorti les magnifiques jingles de Radio Galaxy de l'époque avec « C'est Noël, c'est Noël, sur Galaxy !» Très très bien. Et donc, un moment quand même, on a eu une phrase qui a retenti dans le studio. « Vous croyez que c'est vraiment raisonnable ?» Il s'agit de qui? Eh ben, je sais pas de qui ça vient, mais... Il y avait toujours une voix comme ça dans les couloirs, je ne sais pas qui c'est, je ne peux pas dire de nom, mais chaque fois, c'est vraiment raisonnable. Et donc le lendemain, on est arrivé. Alors moi, je laissais sur la table de mixage l'instruction sur ce qui allait se passer dans la famille Gic Danouille. Et donc il était écrit aujourd'hui c'est Noël. J'imagine Stéphane Laroche qui arrivait le matin. On devait le réveiller le mercredi, ça devait être énorme. Et donc aujourd'hui c'est Noël, donc jingle de Noël et tout ça. Et à partir de 14h, les Gic Danouille, fête Noël. Et donc on est arrivé Philippe et moi à 14h déguisés parce que Noël on est déguisés. Moi j'étais en Superman avec un magnifique moule beat. Bleu. Est-ce que tu as des photos, Gauthier? Non, mais il me semble avoir vu des photos, moi. Je pense qu'il y a eu des photos. Ouais. Et on a fait les cons. Cotillon, bazar, tout le truc. Et on a niqué la table de mixage. Ce qui avait ça de cotillon dedans. Est-ce que tu te souviens des cadeaux qu'on avait fait ce jour-là? Plus du tout. On a offert des bûches de Noël, mais c'était des morceaux de bois, des bûches de bois. c'était une bûche. Et on n'a même pas dû demander. C'était leur bûche et c'était des morceaux de bois. On n'a pas dû demander de bûche. J'aurais bien voulu voir la gueule qu'ils ont fait quand ils sont arrivés de voir. On n'avait pas du budget toutes les semaines. Cette semaine-là, on l'a volé à côté. Il y a toujours une voix dans le couloir qui disait. Si t'as les sous, je veux bien. Mais ce qui était rigolo, c'est tout ce qu'on a fait gagner ici quand même, des pavés de Paris-Roubaix, la perruque de Mireille Mathieu aussi, Je pense que le pire des cadeaux, et ce qui a valu d'ailleurs à une collaboratrice de l'équipe de se faire licencier, c'est qu'un jour on a fait une émission spéciale à Santa Barbara. Ouais. Tu te souviens, Philippe? On a les archives avec aussi. On a les archives. Spéciale Santa Barbara. Et on avait décidé d'offrir des poils de touffe de Calip Capwell. Je ne regarde personne dans ce studio parce que je suis habité d'une honte énorme. Donc on s'est dit on va offrir des poils de touffe de Kelly Capwell et je suis allé à l'accueil. J'ai demandé à la standardiste d'aller chez le coiffeur pour aller choper la touffe, pour aller chercher des cheveux, pour les mettre dans un petit sachet, vrai, en plus pour les offrir. Et là elle s'est retournée vers moi, elle a eu un coup de sang énorme, je pense qu'en fait je l'ai énervée. Elle a pris une paire de ciseaux qu'elle a ouvert, elle l'a mis entre les mains, elle a fait maintenant j'en ai marre, vous arrêtez vos conneries. Elle m'a couru après avec une paire de ciseaux. T'es barré là. Et elle s'est fait licencier. Ah d'accord, bon. Sinon. C'est moins drôle la fin en fait. C'est la chute. Drôle, ouais. C'est bon. J'avais demandé d'être raisonnable et vous n'avez pas été. Je crois que j'oublierai jamais sa tête quand je lui demande d'aller chercher des cheveux pour faire des poils du Kelly Capwell. On a justement le petit Papa Noël en archive qu'on propose tout de suite d'écouter. Alors on vous a prévenu, ça fait plusieurs jours déjà. On vous prévient que nous allons une nouvelle fois faire la fête. On va fêter Noël avant tout le monde. On va fêter Noël avec plus de 3 semaines d'avance. Merveilleux, encore un record giclé. Bon alors attention, venez tous, on va chanter Petit Papa Noël pour d'accord. commencer. On est parti. La belle âme de Noël, la neige est en son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. n'oublie pas mes petits giclées. Ils sont giclés de la nouille. Voilà, les giclées de la nouille, hein, avec toujours le best-of ce soir. Jusqu'à 2h du matin, c'est antenne libre, on va dire, avec les anciens de la radio, notamment Gauthier qui nous a rejoint, qui a fait pas mal d'années. Hein, c'était combien de temps tu restais ici à la, radio? 4-5 ans. 4-5 ans, ouais. À partir de quelle année? 91. 90. Ouais, j'aurais dit avant. Il y a Philippe, c'est 90. Ah ouais, j'aurais dit un petit peu avant. D'habitude, je me souviens 90, pas, mais là, il me semble un petit peu avant. Ouais. C'est lui qui m'a fait rentrer. Attends, ma première branlette, c'est en 80. C'était juste après, en fait. Donc, 91. Tu veux t'en rappeler? C'était juste après le passage de Bézu, hein. Voilà. Oh. C'était Bézu, d'ailleurs. Il t'avait tant marqué que ça. Ah, merci à la main de Bézu. Il avait donné pas mal d'idées, apparemment. Hein. J'avais quel âge? J'avais. Oh, j'avais... Ah, t'étais tout jeune. 20 ans. Ouais, c'est ça. Bah, t'as fait tous tes 20 ans d'ailleurs ici. J'ai 35 ans le 16 décembre. Vous avez noté? Ouais. Et donc, ouais, c'est ça, il y a 15 ans. Ouais. Bon, enfin bref, c'était 90, ouais. Ne te plains pas, il y a pire. C'est vrai. Regarde, ah. Tony. Tu sais, je suis pas loin derrière. Hein. Bon, il y a Philippe apparemment qui vient de prendre sa verveine à l'instant. Philippe? Oui, parce que moi, les deux morceaux de jambon, c'est fait, ma verveine, et je vais pas tarder à aller au lit. Hein. J'allais le dire. N'oublie pas ta bouillotte. Bah oui, bah oui, tout est prêt, hein, de toute façon, le lit est douillé, c'est bon. J'imagine bien. En tout cas, ça nous a vraiment fait plaisir de t'avoir en direct par téléphone, vu que tu es dans le Lot-et-Garonne en ce moment. Et si jamais tu fais un petit crochet dans le Nord, n'hésite surtout pas à venir nous voir et puis faire une émission en direct, hein, pourquoi pas. On viendra faire les cons, pas de problème. Je pense quand même, Philippe, que dans la compétition des giclées de la nouille, qui avait lieu chaque mercredi après-midi, je pense quand même que tu as la palme du plus con. Parce que pourquoi dans la chanson du petit Papa Noël, qui est une chanson plutôt sympathique, tu dis le Père Noël est mort? Ça m'a fait rire un peu de honte, mais bon, 30 secondes ça a duré quoi. Vous avez vu, je ne sais pas pourquoi tu dis des trucs pareils, mais bon. Parce que je crois qu'on était en pleine époque, James Brown is dead, tout ça, alors moi je cherchais des trucs drôles, c'était pas du tout drôle, mais bon. C'est vraiment désagréable que tu aies remarqué ça, justement, Gauthier. Bah maintenant je peux le dire, en plus t'es Arcachon, je sais pas où, donc. T'es même un gros con, tiens, voilà. Près des campings, des flots bleus. Et t'as toujours eu un plus beau cul que moi, alors ça m'a toujours énervé. Ah, vous êtes quand même des bandes d'enculés, hein. Tu peux le redire. Vous êtes quand même une grosse bande d'enculés. Philippe, on te remercie en tout cas de ta présence ici. Ça nous fait vraiment plaisir pour l'anniversaire de Galaxy. Dès que je te traite, tu me remercies, toi. Hein. Et puis on te souhaite. Ça m'a fait plaisir, ouais. Je l'ai sur MSN, ça me suffit, moi. A bientôt, Philippe. Bah, allez, je vous retrouve tous par mail. Hein. Vous connaissez mon adresse email. Bien sûr. grosscon@hotmail.fr. .com.

Merci tout l'instant avec THK. C'était par General Base. Sélection par Mr. DJHS, s'il vous plaît. Qui en plus est issu de la radio. Toujours en pleine forme. Hein, toujours en pleine forme. Qui nous a fait de cette exceptionnelle. Et qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure à partir de 2h du matin pour la suite de la musique. Il y aura aussi la rediffusion du mix de Vince. Suivi de Ferlin Papin. Okay. Ça, c'est pour toute la nuit. Nouveau répondeur tout de suite sur Galaxy. Galaxie la nuit, galaxie le jour, galaxie partout, galaxie toujours. Galaxie, c'est de la boulette grande. Écoutez Galaxie, double la taille de votre pénis. C'est radiophoniquement prouvé. Allô Galaxie, mais vous êtes fou, mais vous êtes fou. Vous avez ouvert un forum internet, mais vous vous rendez compte des risques que ça comprend? Mais oui, je parle de la pédophilie, monsieur, la pédophilie, sachez qu'ils sont partout, mais vous vous rendez compte d'un forum inconscient. Le répondeur Galaxy avec tous vos messages ce soir, justement, jusqu'à 2h du matin, libre antenne. On rappelle qu'il y aura bien sûr pas mal d'invités ce soir, tout au long de cette soirée. Et puis je rappelle qu'on fera un tour des discothèques toute la nuit à partir de minuit. On ira du côté du Bliss Club, du Pulse Factory, du Captain également avec LB Jackie au platine. Et puis également donc l'Escape Concept, peut-être aussi l'âge de Zo. Ça, ce sera tout à l'heure. Nous avons toujours Gauthier dans les studios. Oui, à l'époque, on voulait avoir le 3615 Galaxy. Ça y est, c'est sorti Bah écoute, on vient de passer un instant sur internet hein, donc... Si vous voulez vous connecter 3615 Galaxy FM, ça peut peut-être marcher hein, on ne sait jamais. Nous avons aussi un ancien animateur, Frédéric Meyer. Et Bic qui est vieux. Meyer, merci. Merci. Ça va? Bah très bien, et toi? Ouais, ça va, merci. Ça fait plaisir de revoir un peu les anciens de la radio. C'est vrai, c'est vrai. J'ai officié de 89 à 92 et moi ça me fait plaisir de revoir d'anciens animateurs aussi hein. Mais tu as avalé un scotch bridge. Ouais, on va dire ça. Et c'est le France moment. Il faut sucer garçon hein. Secret de la réussite dans le métier. Gauthier a une très très belle voix hein. Il lance des choses. Il lance, ouais, il lance des choses. Il lance des choses. Si tu veux me contacter, Gauthier at live 3615 code Gauthier. J'ai un site internet moi monsieur. Ah, déjà ouais. Bah, jamais trop tard. Des photos où je suis tout nu. Ouais. Rocco pour son militaire tu pouvais pas donc il fallait passer à la vitesse supérieure. Absolument. Il faut savoir être dans son époque. Voilà, exactement. Il va très fort ce casque. Mais c'est très bien. Ça me rappelle des souvenirs. Je mettais toujours très très fort les casques. Voilà, à chaque fois je faisais. Un petit Larsen, ça fait du bien aussi. On va reparler un petit peu des délires que vous avez fait bien sûr à la radio. Forcément, il y a eu bien sûr les giclettes d'Anouille. Il y a quelque chose qui te ferait plaisir de réécouter, Gauthier par exemple? Bah, pareil, donc toujours des idées connes. Bah, ça, c'était pratiquement tout le temps. Bah oui, mais alors là, c'était à l'approche du 1er avril. Je sais pas, vous l'avez pas diffusé encore? Bah, je sais pas. Ah, d'accord. Et donc, l'idée du jour, c'est de dire, eh bien, il faut marquer cette journée du 1er avril, mais c'était quand même vachement casse-gueule, puisqu'évidemment, on faisait les cons tout le temps. Donc, le 1er avril, on s'attendait à ce qu'on fasse encore plus les cons. Donc, on s'est dit, eh bien, on va inventer un truc tellement énorme, parce que c'est le secret lorsqu'on veut vraiment réussir un gag, c'est de faire encore plus énorme qu'énorme. Et donc, on a décidé de partir sur le concept que Galaxy vivrait sa dernière journée. Et que le soir de cette journée spéciale qui tombait un je ne sais pas quel jour, 1er avril 1912, donc 92. Le soir à 20h, l'antenne de Galaxy allait définitivement s'arrêter et ça a été une journée absolument incroyable. Et c'est ce qu'on en parlait avec Tony, on a fait 5-6 000 appels au niveau de l'audiphone et tout, ça a été énorme. Oui, j'avais mémoire d'à peu près ce chiffre-là, c'est-à-dire que les gens nous appelaient et certains nous proposaient de donner des sous. Et donc j'ai accepté. Oui, pour lui. Voilà, c'est pour ça que j'ai une magnifique. Et maintenant, il n'est plus à Galaxy. Il est parti habiter dans le sud de la France. Il a une super piste. Alors, c'est génial parce que de temps en temps, des gens appelaient dans la journée et disaient bon, écoutez, vous êtes Galaxy, vous êtes une espèce de bande d'imbéciles. On est le 1er avril, arrêtez. Et nous, on disait si tu veux rire avec ça, si tu veux, mais bon, on est tous licenciés ce soir. Et le mec, il faisait ouais, bon, quand même, excusez-nous, tout ça. Bon courage, j'espère que ça va aller et tout. Et à 20h, donc, on a dit bon, bah, on vous a tous eu. C'est dit donc une grosse, grosse blague et on nous en a voulu quand même un tout petit peu. Parce que... Et la preuve. C'est vrai. Et justement, j'allais nous dire avons en image, mais c'est en sang. Vous avez le sang, mais on a ce qu'il faut. Quel travail. Vous n'avez jamais travaillé autant dans toute l'histoire. Grâce à Olivier Cortis. C'est pas grâce à toi. Attention, sans vous ce soir, Galaxy, c'est terminé. Intervenez au standard 20 83 57 57. Merci. Ce qui se passe exactement, eh bien, on n'en sait pas tellement plus que vous. On parle d'un réseau qui aurait pour vocation l'information, et l'information plus particulièrement à caractère sportif. Bref, quelque chose d'assez différent de ce que vous pouvez entendre sur Galaxy. Le but, c'est que vous, vous interveniez sur antenne. Il faut un maximum de réactions par téléphone. Faut pas que Galaxy s'arrête, c'est trop génial. J'aime bien Galaxy, et je trouve qu'elle est cool comme radio, et je voudrais pas qu'elle arrête. Parce que je trouve que c'est une radio super géniale, faut qu'elle continue. Je l'écoute au boulot, chez moi, dans la voiture, tout partout. Faut faire quelque chose, de toute façon, ça peut pas disparaître, c'est impossible, c'est une logique. Alors, je voudrais dire que ma famille et moi soutenons Galaxy, et on l'aime bien, quoi, c'est une super radio. Une radio puissante comme Galaxy doit subsister, doit résister. Bah voilà, j'appelais pour dire que c'est extrêmement dommage qu'elle arrête. Je veux pas que ça disparaisse parce que c'est la seule radio où il passe de la techno sur les ondes. Il y en a pas une autre pareille du même genre. Il faut pas que Galaxy cesse. Il faut que la techno continue. Ah ouais, faut pas que ça s'arrête Galaxy. C'est trop génial. J'adore la techno. Donc je veux pas avoir de sport à la place. Je trouve ça dégoûtant d'arrêter cette musique-là. Je veux pas que Galaxy s'arrête parce que j'adore la techno. Ouais, je voudrais pas que Galaxy crève parce que il y a beaucoup de monde qui écoute. Alors faut absolument pas que Galaxy crève. Faut que vous apportiez tous votre soutien. Faut téléphoner parce qu'il y en a qui savent gagner des maxi, tout ça, téléphone. Mais là, pour sauver une radio, ils savent pas téléphoner. J'ai eu le plaisir de découvrir vraiment cette radio Galaxy avec de la musique d'avant-garde, une musique de fête. Et je souhaite de tout cœur, effectivement, que tout le monde vous soutienne. Je voudrais dire que Galaxy, j'ai pas du tout envie que ça cesse. Il faut pas que ça cesse parce que c'est l'une des premières stations à passer de la techno. Il était temps dans le Nord que ça se développe. On voit vos autocollants partout, ça devient complètement dingue. La techno, c'est super. Galaxy, c'est super. Les poissons d'avril qu'ils nous font, c'est super aussi. Moi, personnellement, je suis disque jockey et si vous voulez, je peux vous aider. Comment ? Bah, un chèque pour essayer que ça continue à marcher. Vous n'avez pas assez d'audience. Mais si, le problème n'est pas là. C'est que la techno, bah, ça n'a pas l'air de plaire, c'est tout. Ah si, c'est super comme musique. Moi, je suis disque jockey, j'en passe tous les soirs. Hein. C'est ce qu'on veut entendre ce soir. Moi, je téléphone pour dire ma colère. Je ne veux pas d'Eurosport sur notre station. Et je comprends pas du tout pourquoi ils veulent supprimer notre radio sur laquelle on délire vraiment à fond. Et je dis non à Eurosport et encore Galaxy, toujours Galaxy. Je voulais simplement dire à Eurosport là, que si Galaxy devait venir à mourir, la jeunesse suivrait. Je suis tombé par hasard sur Galaxy et je suis carrément tombé amoureux de votre station de radio. Vraiment, Galaxy, c'est la meilleure des radios. J'espère que Galaxy sera éternelle. J'aurais voulu juste vous dire que c'est grâce à vous qu'il y a des certains titres qu'on a en disque ici. C'est grâce à vous parce que j'ai téléphoné plusieurs fois pour avoir les titres et je les ai eus. J'espère que vous serez toujours là parce que avec vous, la techno, c'est super. Faut pas enlever les choses. C'est bien comme c'est, et moi je pense que des mecs qui font bien quelque chose, il faut leur laisser. Des mecs qui aiment bien de faire quelque chose et qui font très bien et qui font avec tout leur cœur, je trouve que c'est super, ça manque et c'est dommage. C'est quand même dommage d'en arriver là. Bah moi aussi je veux dire que Galaxy est tout sympa et qu'il faut pas arrêter, c'est génial Galaxy. Alors vive Galaxy et j'espère que ça va continuer. Alors moi, ben tout d'abord on a dans les oreilles un produit unique, et ce produit unique nous diffuse quoi, je vous le demande, de la techno. Alors est-ce que je vais faire moi, si j'ai plus de techno et je vais devoir me brancher sur Foufou une station ou Europe 2, alors merci du cadeau quoi. C'est pour dire que ce serait vraiment con que Galaxy s'arrête. Hein. Pour moi, M40, Skyrock et tout ça, c'est pas des radios, il y a que Galaxy vraiment qui est super. Hein. Je pousse à fond, alors ma mère elle gueule et puis je trouve que Galaxy c'est super quoi, alors continuez. Oui, bonsoir, c'est pour dire, il faut surtout que Galaxy s'arrête et vive Arthur le roi de la radio sur Fun Radio. J'espère que tu gagneras 10 000 balles, mais c'est pas comme sur RTL, ici c'est pas touché par autant d'auditeurs. C'est pas la valise. J'ai téléphone parce que j'ai été très patient pour vous joindre, j'ai pas arrêté d'essayer et Galaxy n'arrêtera pas non plus. Puis le meilleur moyen de comprendre le sport, c'est pas de l'écouter à la radio, mais de le pratiquer. C'est pour dire que Galaxy, ça doit pas s'arrêter. Je suis déjà en train d'enregistrer une cassette au cas où ça s'arrêterait. Je sais pas, ils ont qu'à supprimer notre radio, mais pas Galaxy, parce que c'est trop bien. Alors, deux petites choses quand même à vous signaler avant de se retrouver dans quelques instants. D'abord, on a envie de tous vous embrasser. On vous adore. Galaxy, c'est une grande chaîne d'amitié. On vous aime. Et puis, d'avance, pour ce qu'on va vous dire dans quelques instants, on vous présente 1000 excuses. Si ce soir, vous n'étiez pas là, à minuit, il y aurait peut-être eu ça. Mais ce soir, il est 20h31 et nous devons vous dire ceci. Alors, première chose, quand même, il faut remarquer qu'on a vraiment de super auditeurs, de super auditrices. On est une radio jeune, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On est aussi le 1er avril. Veuillez nous excuser, mais habituellement, quand même, on est très sympa avec vous. Là, on vous a eu un petit peu. Chers auditeurs, chères auditrices, poisson d'avril. Je suis le petit poisson dans le bocal. Alors là, les giclées de la nouille ont fait très fort. toute la journée. Ouais, on trime toute la journée. Et quand t'arrives le soir, on va bien être tranquille, tu vois. Voilà, voilà. Et arrêtez que les gosses, ils écoutent toujours cette radio. Oui, une amère, tiens. Galaxy. Oui. Je ne pourrais pas faire une radio, comment dire, numérique. Parce que, je vous explique. J'ai ma télé qui est numérique. Mon appareil photo, il est numérique maintenant, hein, avec le temps avançant, on en est à la pointe de l'actualité. Mais la radio en elle-même n'est pas numérique. Alors, merci d'être numérique. Hein. Pour un grand confort d'écoute, Galaxy en numérique. Attendez, je vous le refais. Pour un meilleur confort d'écoute, Galaxy en numérique. Happy birthday to you, Galaxy. Oh, happy birthday to you, Galaxy. Don't you find one free? Happy birthday to you, Galaxy. Happy birthday to you, Galaxy. La cotation est en l'éternité est mon seul espoir. Là où les parallèles se croisent, là, je suis couverte de sang. Galaxy sous l'instant avec DJ Hooligan. C'était Space Girls sur la belle No Respect Records. Il est 23h passé de une petite minute. Excellente soirée à toutes et à tous. Temporaire. Ah oui, attends, on est dépassé. Un vieux. Non, j'ai non, mieux que ça. J'aime bien que ça. T'es ressorti, moi. La contagion s'étend. Parce que souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a fait. Oui, exact, il y avait ça aussi. J'aimerais bien l'entendre. On va l'entendre tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on fait donc, qu'est-ce qu'on a fait toute la semaine entre 23h et minuit. C'était. Ah, bah moi, entre 23h et minuit, je baise. Hein, c'est un concept. Ouais, mais il y avait ça aussi. Ah, tu le voulais, tu l'as eu. Ah non, c'était à minuit ça. Bon, entendu, je profite. C'est Thomas qui a fait ça. Il était bien fait. Ouais, c'est pas ringard. Parce que j'ai dit Guillaume m'a dit c'était ringard. Ah, mais non, ça mal vieilli quand même. Ouais, avec le kick là. J'ai mal vieilli aussi. Et si tu dis comme ça, c'est la vie. C'était ringard. Ouais, on venait à 23h, on préparait et on venait avec des rouleaux d'aluminium, on en mettait partout. Et puis le standard commençait à sonner incroyable. À 23h, les gens voulaient être dans la queue. La queue, c'est la liste d'attente pour pouvoir passer à l'antenne à minuit. Et un jour, il y a un type qui écoutait, je te jure que c'est réel, sur la tête de ma mère encore. Encore ? Et ben, il l'écoutait et il est en train de mater. Quelle est l'heure ? Et qu'on a la maison, s'il te plaît. Je vais y aller. Il y a ma mère qui t'attend. Il faut que j'aille me coucher, je me fais engueuler. Et le type venait de regarder le film porno sur Canal+. Et il était un petit peu chaud comme la balle. Et ben, je l'ai fait se branler en direct à l'antenne. Il s'est assis, tout ça, je me souviens. Il est allé jusqu'au bout. Et ben, c'est du propre. C'est pas sûr. Non. Ah ouais, mais c'est aluminium, hein. C'est à cette heure-là, fallait pas demander. C'est rien ce qu'on a fait cette semaine par rapport à toutes ces conneries. On aurait été très sage. C'est quand même, il faut mettre les points sur les I et les barres sur les T. Les I, c'est que c'était un moment où Fun Radio n'avait pas encore commencé leur concept de talk. Ah ouais, d'accord, exact. Et on mettait l'antenne à disposition des auditeurs qui n'avaient absolument pas de talent. D'ailleurs, on a retrouvé un petit best-of du tout. Les auditeurs qui n'avaient pas de talent. Non, c'est un concept de Patrice Cato. Parce qu'après, je suis parti à Europe 2 et j'ai bossé pendant 4 ans à Europe 2. Patrice Cato qui était directeur. Et il faisait courir la ville. On dit Patrice Cato, pas Patrice Cato, ouais. Parce que sinon, c'est dégueulasse. Patrice Cato. Non, Patrice Cato. Patrice Cato, il a jamais adoré. Et donc il expliquait que les auditeurs n'ont pas de talent. C'est pas pour être désagréable aux auditeurs, mais nous on fait notre métier d'animateur, on doit piloter le bazar. Bien sûr. Et quand on donnait la parole aux auditeurs, de temps en temps c'était pas passionnant. Mais par contre, il faut quand même reconnaître que le Cru Galaxy était quand même composé d'un certain nombre d'auditeurs qui avaient le sens de la répartie, qui faisaient les cons avec nous et tout ça. Et bien avant que Loving Fun commence à ouvrir son antenne au talk. Et du coup on avait créé une petite communauté de gens complètement déglingués qui venaient repasser, refaisaient des conneries et tout ça. Et voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est l'historique, hein, tout simplement. Hein. C'est l'histoire de la galaxie et pas tout. Ça n'empêche que ça pourrait être sympa de prendre des auditeurs ensemble tout à l'heure. Ah bah j'aimerais bien, j'en ai revu il n'y a pas longtemps. On pourrait lancer un jeu. Un jeu ou alors un appel tout simplement aux gens qui nous écoutent. On va prendre l'antenne en direct et puis on va bien s'amuser. Ce qu'il faudrait, c'est que en fait, ceux qui n'appelaient pas à l'époque n'appellent toujours pas et qu'on retrouve un auditeur de l'époque qui rappellerait maintenant. On a essayé d'en retrouver, je te promets que c'est difficile. On a essayé de retrouver par exemple Lily Daubourdin, ça te dit quelque chose? Plus du tout. Ouais, bon. Elle était complètement déglinguée, on l'a récupérée, elle avait laissé un message dans le répondeur à l'époque, on lui est tellement taré, on s'est dit il faut le reprendre. On essaie de la retrouver, elle est sur Aubourdin, ou elle était peut-être sur Aubourdin, elle a peut-être quitté la région. Et maintenant, malheureusement, voici. On n'arrive pas à la récupérer. Ok. Ouais, t'étais sur antenne avec Guillaume, ça sert à rien. C'était la pré-écoute, c'était juste pour savoir si vous étiez chaud pour entendre une petite radio poubelle en fait, hein, qu'Olivier Curtis nous a concocté une nouvelle fois. Radio poubelle, c'est la troisième émission qu'on avait prévue. Donc on a fait les giclées de la nouille, ensuite la famille giclée, c'était pareil mais avec les auditeurs qui intervenaient en plus à l'antenne. Et pour la quatrième année, on a lancé donc le mercredi, une fois par mois, parodie avec plein de trucs prévus, enregistrés, des sketchs et tout ça. Jean-Pierre Foucault, des choses Charlie YouTube, voilà. Et donc Radio Poubelle, et là il faut rendre à Olivier Curtis ce qui appartient à Olivier Curtis. C'était un vrai salopard avec les animateurs de la bande FM. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un animateur qui sur une radio pourrave de la région disait bah, vous pouvez téléphoner. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il téléphonait et il faisait le con, oui. Comme ça, il ramenait sa cassette le lendemain, il faisait juste ce qu'il faut, j'ai la matière. Il y avait certaines choses dans Radio Poubelle poubelles qu'on provoquait aussi. Oui, dire. C'est ça. C'est, bon. Parfois, c'était vraiment des, comme le zapping, des espèces de conneries à la radio. Mais de temps en temps, bah, il faut forcer le destin. Et notamment ce que tu préparais là en préécoute apparemment et qui passait sur antenne. C'est la star du mois. C'est la star du mois et ça, c'est un régal. Je vous jure que c'est réel. C'est réel de chez réel. Et juste après, on l'a rappelé aussi, mais ça, j'ai pas retrouvé l'archive. On a appelé la bonne femme. Tu te faisais passer pour Radio France. On allait la chercher chez elle. On allait l'embaucher. Pour faire une émission sur Radio France. C'était énorme. Ouais, elle était fière comme tout. Au départ, elle était un petit peu en retrait. Elle bossait sur quelle radio? Elle était pour Radio Loisir. Radio Loisir. Radio la radio de vos loisirs. 81, la même année que je l'avais oublié celle-là. Ah ouais, alors, mais ce truc-là, c'est absolument merveilleux. Je l'ai sur CD. Ouais. C'est pas possible d'ailleurs, il n'y avait pas de CD à l'époque. Non, t'avais pas de CD. Bande Revox ou DAT. Et c'est ça que des fois, on a des archives qui sont assez pourries parce qu'il n'y avait pas de CD, il n'y avait rien qui existait, il n'y avait que des bandes Revox ou alors des cassettes. Et des cassettes. D'ailleurs, j'ai entendu Guillaume dire cette semaine à vos cassettes. Ça m'a fait. À vos cassettes, exactement, c'est vrai. Il y a des gens qui ont des cassettes encore. Ah ouais, il y en a. Et de temps en temps, tu présentes une nouveau 45 tours d'un groupe aussi. Un mini 45 tours, ouais. Même du mini disque qu'on fait. Ça ressemble à quoi les mini 45 tours? Des 45 tours, c'est comme ça, mais des mini 45 tours. On n'en a pas, nous, on aimerait bien en avoir. On va en avoir. D'ailleurs, on va si en vous avoir. Recherchez des disques, je vais en profiter. Il y a une bourse disque qui se déroule demain à Moucron, on va en parler parce oui, que certainement Olivier, vous avez pu il sera, je crois. Voilà, je vais y aller faire un tour parce que je recherche encore toujours des trucs. Et en fait, donc c'est une bourse disque qui se déroule demain à Moucron à partir de 10h jusqu'à 18h. Et là, vous pouvez peut-être retrouver des petites perles que vous avez entendues. On vous a diffusé quand même plus de 1000 disques cette semaine. Waouh! Énorme, on les a cotés. Et c'est même tout. Qu'est-ce que ça à foutre? Eh ben, maintenant, on va coter le nombre de disques qu'on va passer à la radio. Voilà. Bah, il faut passer son temps, les fonctionnaires. Exactement. Oh. La star du mois, elle nous attend là. Allez, star du mois, c'est parti. Et maintenant, voici. La star du mois. Comme Françoise vient de vous l'annoncer, voici mon émission Comment mieux vivre en l'an 2000. Et tout cela naturellement accompagné de chansons. Les auditeurs m'ont demandé de diffuser de la musique classique. Aujourd'hui, vous entendrez La Bohème de Puccini. Mais cela en plusieurs fois pour ne pas lasser les personnes qui n'apprécient pas tellement ce genre de musique. J'espère que la musique a été audible pour tous, parce qu'il me semble ici qu'il y a un petit changement dans le curseur de la cassette. Françoise m'a dit de mettre à moitié, or la semaine passée je devais seulement la mettre à 1 cm du départ. Alors si la musique n'a pas été très audible, veuillez bien me téléphoner. Je vous remercie. Naturellement, lorsque vous écoutez des airs comme ça, principalement aujourd'hui la bohème, je vais demander quand même aux personnes qui veulent bien me téléphoner de le faire quand la musique marche, de manière inconsciente. Au téléphone, s'il vous plaît, vous voulez bien me rappeler dans quelques instants, pendant la musique. Merci beaucoup. Mais pourquoi sommes-nous persuadés qu'il s'agissait d'une pomme? Oh là là. Un petit instant, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je demande à la personne qui m'appelait d'attendre que j'ai terminé l'article, s'il vous plaît. Je vous remercie. Cardiovasculaire. La personne, si elle veut bien me rappeler, s'il vous plaît, dans quelques instants, lorsque j'aurai terminé mon article, je la remercie. Il faudrait donc veiller à alterner les types de graisses consommées. Sédentarité, régime aberrant et médicaments mariant leur mauvaise influence. Ouais, c'est ça me perturbe quand même, hein, ce téléphone. C'est un petit filou, hein, quand même, Olivier. C'est lui qui faisait sonner ce fameux téléphone qui l'a cassé. Attends, hein. Justement. Sans déconner, un truc comme ça, moi, j'aurais, si on allait décroché. J'aurais décroché, j'aurais mis le téléphone à côté, quoi, mais sérieux. Et c'était que la radio, ça Non, mais j'ai l'émission complète, en fait, ça a duré plus d'une heure où j'ai fait sonner son téléphone pendant qu'elle parlait. Carrément. Ah ouais. Elle a jamais compris qu'un téléphone, on pouvait le prendre et le mettre à côté si ça sonnait plus. En fait. Et c'était quelle radio ça? Radio Loisir, enfin. Radio Loisir. Un truc bien hot. Ouais, bien hot. Bien hot. Un petit filou, quand même. Oui, petit filou. On va faire gagner tout de suite un kit Willy pour vous récompenser de votre grande fidélité. Puis si vous êtes ça, je vous passe à l'antenne tout simplement avec nous pour délirer. On vous donne le numéro de téléphone 03 20 83 57 57. Hubert, quel chiffre as-tu choisi pour. On speed ou on fait traîner un peu le truc? Écoute, c'est comme tu veux, c'est bon, toi qui gères. On va dire 50. 50e appel, 03 20 83, oui ça va aller, terrible. 03 20 83 57 57, on vous souhaite bonne chance pour le jeu. Vous nous appelez, 50e appel, et vous repartirez avec le kit Woolly et aurez la chance de faire une, un petit passage à l'antenne, tout simplement, avec toute l'équipe de la radio. Des places pour le Minoyat. Avec un instant, Barbarella, c'était le grand classique hein, sur le label Art House Records. N'appelez plus pour le jeu. Nous avons notre autre gagnant. On se retrouve d'ici quelques secondes. Gauthier sur Galaxy. Bon, alors sans vouloir être grossier quand même, je voudrais pas être méchant. Mais alors le groupe c'est Q et Bande. Hein. Gauthier, la vulgarité, ça remporte peu. C'est Gauthier, l'homme chien de la race des Wookiees. Galaxy. I love you, wanna meet your mind. Gauthier, toutes les après-midi sur Galaxy, c'est Gauthier. Vous avez fini par trouver la radio, vous méritiez. C'est bien. Terrible, hein. Parlez-en à vos voisins. Ils ne savent peut-être pas encore que Galaxy, c'est autre chose. C'est vrai, Galaxy, c'est autre chose. Surtout quand les animateurs reviennent sur leur première radio, notamment bien sûr Galaxy, avec Gauthier toujours avec nous. C'était pas ma première radio. C'était la combien? Ah non. C'était ma quatrième. C'est vrai ce que tu dis. Lui, il a démarré dans un collège. Moi, je me souviens que c'était le plus la radio jeune radio avec Joey et sur tout, la métropole. Non T'étais le plus jeune animateur. Ah, mais j'étais jeune, j'ai fait SIS, Contact le petit dauphin bleu là. C'est super. Ils ont toujours le même slogan, incroyable. Ah ouais, c'est vrai. Hey, j'avais oublié que t'étais passé par Radio Contact. C'est super, je faisais le hit parade. Hey, ce qui est marrant, c'est que moi je l'ai fait rentrer à Contact, lui il m'a fait rentrer ici. Donc, ouais. Ah, c'est échange de procédés. Temps libre aussi. Hein. Après, j'ai fait temps libre pendant un an. Et ensuite, ici. Alors, en quatrième. Justement, nous avons après, notre il y auditeur. Il y en a eu d'autres après. Avec, Après, il y a eu Contact France. Super moment, j'ai démissionné deux fois tellement c'était pénible. Et ensuite Europe 2. Ah bah non, je me trompe d'ailleurs, parce que je suis passé à Contact avant de venir ici. J'ai quitté Contact pour venir à Galaxy, ensuite j'ai fait Europe 2. Et maintenant je suis sur stereochic.fr. Ah là là, petit coca, il en a profité pour glisser. C'est pas mal, et je crois qu'on peut dire la prog est excellente. Moi j'écoute de temps en temps. C'est vrai. Bon, il y a aussi live.galaxyfm.com sur le net. Nous avons justement notre gagnant qui est là ce soir avec nous. Il s'appelle Jérémy. Bonsoir Jérémy. Qui nous appelle de... Tu nous appelles de quel endroit? Ah bah t'es pas très loin toi. Non, je suis pas très loin. T'as pas besoin d'internet pour nous écouter. Tu peux même enlever l'antenne, ça passe tout seul. Ça passe dans le grille-pain. Parce que l'émetteur est sur le toit de Galaxy et ça fait qu'aux alentours, tu regardes TF1, t'entends Galaxy. Ouais, non, plus maintenant. À une époque, ça existait. Il a fallu filtrer un peu. Oui, maintenant, ça va. D'accord. Et est-ce que tu es un vieil auditeur de Galaxy, Jérémy? À peu près, ouais. Ça doit faire un bon 7-8 ans, ouais. Oh, il y a plus vieux encore, hein. Oh. Oui. Ton âge, on a oublié de te le demander. Oui, mon âge, oui. J'ai 25 ans le 20 décembre, donc c'est bientôt l'anniversaire en même temps. Bon anniversaire, mon petit connaillou. Tu fêtes ton anniversaire quand? Le 20, ça tombe à mercredi, donc aux alentours du week-end d'après. C'est dommage parce que si tu fêtais tes 25 ans pendant la semaine anniversaire de la radio, tu gagnais une piscine. Tu l'as entendu? Avec une piscine gonflable avec les rustines quand même. Ouais, mais j'essaie d'appeler, mais ça n'a pas marché. Donc. Samedi prochain, c'est mon anniversaire, on fait une petite fête, Gauthier. Je peux faire ma pub puisque j'ai fait Stéréo Chic, ça s'est fait. Bah, de toute façon, ça, on le fera la semaine prochaine, hein, c'est pas un problème. Bah voilà, donc tous les dimanches soirs, à partir des derniers dimanches de janvier, je vous retrouve Diversus. Diversus, exact. Avec DJ H3O plus. H3O qui est dans le couloir là-bas. Ouais. Exact. Et j'organise avec Rilia qui est de l'âge de Zo, qu'on connaît bien ici parce qu'on a passé plein de disques de son papa, Monsieur Van Loo. Oui. Et donc à trois, on organise les soirées Diversus et le concept, c'est de retrouver tout ce qui a vous fait bouger. Je vais faire ma phrase. Tu coupes, on va recommencer. Alors, c'est de retrouver 30 ans de tube une heure sur une soirée. Donc on a un petit peu de disco, de la new wave, de l'électro et tout mélangé, c'est rigolo. Voilà. Tout ce qui pourrait éventuellement intéresser les plus vieux d'entre nous. Mais pas seulement, c'est plein les jeunes plus jeunes qui parce que maintenant ils y viennent. Ils viennent et ils entendent Technotronic, Pop Up the Jam l'original. Ah, c'est super. Et ils disent c'est vachement mieux, je connais que les reprises. À la limite ils vont dire tiens c'est une reprise. Ouais, mais ils se demandent ce que c'est, mais non, c'est la. En plus l'original est resté vraiment. Nickel. On te dérange pas, Jérémy, tout va bien? C'est qui paye le téléphone? C'est toi qui paye? Il n'y a pas de problème. C'est toi qui fais ta culture musicale. Hein. En plus, je suis un fidèle de l'âge de Zo. Ah bah voilà. Un habitué de l'âge de Zo. Oui. Et sinon, ce soir, tu sors dans quel endroit? L'escape pour changer. Ah bah justement, on sera tout à l'heure en direct à l'escape parce qu'on va faire le tour des boîtes. On va faire quelques directs, ouais. Avec le Pulse Factory, tout le monde. Le Pulse Factory, donc il y a aussi le Bliss Club, le Captain également, Redmi, bien chaud et puis. Ça va être chaud comme la braise, ça va être terrible. Et vous pouvez appeler en Belgique parce que moi à l'époque. Bien sûr. On a les sous maintenant. Restreint. Non, c'est vrai qu'on peut appeler en Belgique. Hein. C'est ça qui est pratique, hein. C'est téléphone illimité et aucun problème. Ça évolue quand même. Mais plus. Des fois, tu voulais essayer de le joindre, t'arrivais pas, quoi. T'as des sous. C'est marrant parce que cette phrase est devenue mythique. Tout le monde la connaît. Hein. D'ailleurs, il faudra en faire un remix. On va remercier quand même l'auditeur. On s'en fout, c'est lui qui paye. On va discuter un petit peu avec lui. Hein. C'était le but de la manœuvre. À quel âge t'es-tu masturbé pour la première fois? Ça, c'est une question. Monsieur Béranger. J'ai pas entendu. À quel âge t'es-tu masturbé pour la première fois, Jérémy? Tu réponds honnêtement. 14. D'accord. Et la dernière fois que tu l'as fait? Tout à l'heure. C'est toujours pareil. 10 ans après, c'est les mêmes réponses. Ça ne change pas. Sinon, on va aussi enchaîner avec le répondeur Galaxy. Est-ce que Jérémy, tu as déjà laissé un petit message sur notre répondeur au 08 70 245 603? Non. 17 euros la minute. Donc tu n'es pas. C'est le prix d'un appel local. Et même moins cher, je dirais. C'est vrai en plus. Hein. Appelle Jérémy, ça leur fera plaisir. Bah, tu peux appeler, c'est 0870 245 603. Je vais le noter. Mais tu fais péter quelque chose d'original, hein, si c'est pour dire bonjour Galaxy, bon c'est sûr que ça passera pas. Hein. Ah, il faut que ça pète. Hein. Là, voilà. Tu dis un gros truc dégueulasse. Regarde, donne un exemple, Gauthier. Tu dis, oui, bonjour, je m'appelle Jérémy, je me suis masturbé cet après-midi, c'était trop bien, merci Galaxy. Voilà. Et ben ça va repasser, Gauthier. Exactement. Je mettrai un message en direct de la suite. Bah bien sûr, là je zoome en plus, tu nous appelles avec tous ceux que tu sors et puis tu laisses un gros message bien délire. Ok, on en écoute un justement pour le best-of. Jérémy, excellente soirée à toi. Bonne soirée à vous. Salut. À bientôt. Au revoir. Bon anniversaire Galaxy, salut, c'est Laurent de Roubaix. C'était juste pour dire que bravo pour tout, bravo pour la musique, bravo pour les animateurs, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Willy ne pourrait-il pas s'acheter des nouveaux jingles? Parce que ça fait des années qu'il est traîné, ils sont pleins de poussière quand on les entend, ces jingles-là, c'est pas... Il n'y a pas de moyen, ça coûte cher. Ça coûte cher les jingles. Non mais, un jingle. Faites-les faire vous-même, vos jingles. C'est certainement ce qu'on doit. Non, mais un nouveau jingle, ce serait bien, parce que là, c'est sale aux doigts. C'est tout sale à mes doigts quand j'écoute. Je dis ça maintenant, je dis rien. Hein. Écoutez, j'aurais dû fermer ma gueule. Voilà, c'est tout. Et bon anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Galaxy. Le répondeur Galaxy 08 70 245 603. Bien sûr, vous pouvez continuer à nous laisser vos messages, hein. C'est pas parce que l'anniversaire de Galaxy se termine ce week-end qu'il ne faut plus à laisser de vos petits messages bien sympathiques. Et ne te trompe pas, n'appelle pas le 36 37 pour laisser un message, parce que sinon non, ça reste le 36 37, le téléthon. Ah. Oh, je comprends pas, c'est quoi, c'est classique. Ça t'a marqué, j'ai l'impression. Ah bah c'était bien, moi je suis content d'être venu, je suis content de voir que rien n'a changé, même pas la moquette sur les murs. Si, elle a changé de couleur, elle a changé de couleur. Je fous de ma gueule, elle c'est la liété. Elle a changé de couleur. Bah forcément, avec le temps. Ah bah il a quand même fini par comprendre. Attends, et c'était grand ici. C'était j'ai vu que le mur a poussé. C'est nouveau ça, hein, ça vient d'arriver. Ça vient de pousser. C'est la cabane à Willy. Il y a des nouveaux trucs, il y a des nouvelles tables de mixage, puisque forcément l'autre on l'a fait. Elle est bien, hein. Elle est bien, elle est bien. Cool. Un jour j'ai jeté tous les disques qu'il y avait dans le studio dehors. Moi je me souviens que j'ai fait un lancer de vinyle avec Bertrand Devetter par la fenêtre qui est là-bas au fond là. Qui donnait sur un champ à l'époque. Non, maintenant il y a plein de maisons. On s'est bien amusé. Hein. Un jour en fait, je disais, il faut ranger les disques, parce que les animateurs c'était des crados ici. Et donc, on retrouvait plus rien, c'était l'horreur. On retrouvait même plus le maxi. Ça arrive encore aujourd'hui, hein, je te rassure. Je vais t'expliquer comment il faut faire. Je cherchais le maxi David et Jonathan, je trouvais pas, ça m'énervait. Oh. Donc un jour, j'ai pris tous les vinyles, j'ai tout jeté dehors. Et tu l'as retrouvé. Et c'était la fin de l'émission. Je suis parti. J'ai dit comme ça demain, ce sera rangé. Le problème c'est que moi j'ai tout le lendemain. Ça peut passer. Tout le monde en a eu peur en fait, parce qu'il était dans une furie. Tout s'est retrouvé en plein milieu du couloir. Ah mais j'étais absolument. Et alors j'ai fait une super émission. Parce c'est un réel pétage de plomb. Tu racontes là. C'est un vrai pétage de plomb. Que tu déconnais. Ah mais je déconnais pas. J'en avais ras le bol que c'était crado. Donc j'ai tout jeté. J'ai avec comment s'appelait notre femme de ménage. René. Elle vit encore, René? Oui, certainement, mais on la voit plus en tout cas. Eh ben René, elle est venue. On a tout rangé. On a tout lavé. Et puis quand je suis parti, tous les disques étaient dehors. Et le lendemain, tout était rangé, nickel chrome. Voilà. Donc tu sais quoi faire si la semaine prochaine c'est le bordel dans les disques. Je le saurai maintenant. Il n'y a pas de problème. Bah, je vous embrasse tous. Joyeux anniversaire à Galaxy. Bah, merci à toi Gauthier d'être venu te joindre à nous ce soir. C'était super. Si je pouvais avoir une copie de tous les sketchs là, ce serait. Mais il n'y a pas de problème, tu auras tout ce que tu veux. Ouais. Je me dis quand même que j'aurais peut-être dû continuer parce que. Ah, ouais. Écoute, on te file un portable et tu nous appelles tout à l'heure du Minoy. Tu nous appelles ? Pourquoi tu dis que je vais au Minoy alors ? Bah attends, c'est ce que tu viens de me dire. Bah je sais, mais je pensais pas que t'allais le dire à l'antenne. On peut couper, hein. Il y a un décalage. Tu peux nous appeler quand il sera tout à l'heure, tu nous appelles ? Ouais, si tu veux, d'accord. Merci, l'ambiance est allée fort. On t'a laissé sortir quand même quelques conneries ce soir, hein. Oui, et puis de toute façon, si tu m'avais pas laissé sortir. Tu les aurais sortis. Je les aurais sortis par force. Merci beaucoup, merci Guillaume. Il n'y a pas de souci, Gauthier, tu viens quand tu veux. Tu es très beau derrière cette glace qui n'a pas été lavée depuis 15 ans. Faut pas le dire, on la voit pas à la radio. Ça, tu sais pourquoi ? C'est parce que notre René n'est pas là. Elle nous balançait les bandes Revox, elle nous faisait les carreaux, elle nous faisait tout. Ce serait sympa de la rappeler en plus, René. Justement, tu l'as connu. Ah ouais, je l'ai connu, au tout début. Je me souviens que le vendredi soir, là, j'arrivais, elle était complètement déglinguée avec son balai dans le couloir, elle dansait sur des trucs. Elle, à l'époque, donc il y a 10 ans, elle avait 2054 ans. Donc aujourd'hui, je sais pas quel âge elle a. 2064. Et c'était une chouette nana. Mais il y a eu plein de gens super chouettes ici, hein. Et plein de gros cons aussi. Ah, bah j'allais le dire justement. C'est vrai. Ouais, il balance pas, ouais, c'est bon. Allez, excellent soir à toutes et à tous. Bisous, Gauthier, gros bisous, merci, à tous. Bisous Gauthier, à bientôt, tu nous appelles tout à l'heure. Je fais comme dans les vraies émissions sérieuses. Je reviendrai dans 25 ans. Tu nous appelles en direct 20, de 80, l'endroit 3, où 57, tu 57, seras. Enfin, tu le connais par cœur ce numéro, tu l'as donné des centaines et des centaines de fois. Peut-être que ça avait changé, il y a le 03. C'est toujours pareil. C'est passé en euros maintenant, il y a 0. Gauthier, à très bientôt. Et puis bonne continuation pour tes belles soirées. Diversus. Et dans Diversus, il y a deux mots. C'est quoi le but des soirées? Ben en fait, Diversus, c'est. C'est les afters que j'adore. C'est les afters, d'accord. À bientôt, Gauthier, merci. Ciao. Bisous. Au revoir. Bon, allez, casse-toi, ouais. j'ai comme l'impression qu'il y a un petit bonhomme qui s'approche au loin. Quand on regarde bien, on voit une ombre avec une petite casquette mauve, un petit pantalon rouge et un petit sac en bandoulière. On dirait que c'est Boris qui revient au pays. Boris revient. À mon avis, c'est pour l'anniversaire de Galaxy. C'est un beau cadeau. Ton retour est un joli cadeau, Boris. Ta présence va nous émerveiller. Pour les 25 ans de Galaxy, Boris revient. Boris y part. Boris y s'en va. Et Boris y part à la guerre. Boris y part à la guerre au cornichon. Boris décide de prendre son beau cheval. Manque de bol, en traversant les champs, Boris y accroche tous les cornichons à son super beau cheval blanc. Boris y est triste. Il est triste de voir ça, les cornichons blancs avec sa belle crinière. De ses yeux, Boris y pleure des larmes. C'est des larmes de vinaigre. Ça décolle les cornichons. Mais Boris n'y a pas de chance ce soir. Une cornichon. C'est la grêle. Une grêle de petits oignons qui assomme le petit Boris. Et le cheval qui repart au galop avec les cornichons sort accroché à sa crinière. Sort du rêve. Avec chemin de l'amour avec la poule. Et du coup, elle avait eu un bébé avec la poule. Il y avait un bébé poussin, Boris. C'était des jumeaux même. Les deux œufs, ils étaient collés sur des pierres chaudes. Ils arrivaient pas à éclore. Boris, il pleure pas, mais il est tout juste malheureux. Ces deux premiers bébés, c'est des poussins. Des poussins qui sont un peu mous. Sur les pierres chaudes. Mauvais rêve. Oui, bonjour Galaxy. Galaxy, ça déchire tout. Galaxy, ça nique tout. Manise Galaxy, ouais. Oui, bonjour Galaxy. Mister Chance, Mister Chance, Galaxy ça défonce tout, ça arrache tout, ça nique tout. Faites péter le son, foutez-moi le bordel. Allez Galaxy. Allez Galaxy, merci Galaxy. Manif Galaxy, Galaxy, c'est votre radio. Yo, Ricky D, what's going on? What's going on? I don't know, man. I don't know. I think you better call ADE. Yeah, yeah. Hello. ADE, ADE. Who is this? It's your DJ, Eddie B. Die, die, die, yeah! DJ Eddie B. Yeah, listening to this frequency can be dangerous. Mais ça marche pas. Tu recommences. T'appuies sur bis. Éteignez la touche. Galaxy, et bon anniversaire. Quoi vous faites, là, vous arrêtez de quand de passer de la bonne musique, là, parce que lundi, là, ça fait trop... J'aimerais bien dormir, là. Encore une. Trop bonne. Bon, soyons précis, soyons brefs. Galaxy, c'est 25 ans d'excellente musique, sans pub, avec d'excellents animateurs. Un grand merci, continuez comme ça. Tiens. Ouais, c'est encore moi. Rapide coup de fil, c'est 25 ans de Galaxy, là, c'est très très bien. Donc, bon anniversaire. Et aussi, rétrospectivement, là, tout ce qu'on entend, moi, ça me fait délirer parce que je me revois à la villa, à la bûche, à droite, à gauche, et en écoutant des vieux morceaux qu'on n'a pas finalement écouté depuis longtemps. Donc voilà, c'est bien. Happy birthday! Le répondeur Galaxy avec le best-of ce soir, justement, de tous vos messages qui étaient sur le 08 70 145 603. C'est le best-of ce soir, c'est jusqu'à 2h du matin, libre antenne avec tous les anciens de la radio et puis bien sûr ceux qui sont présents, notamment Jérémy, Hubert, toute la team de Galaxy d'ailleurs, Tony également avec nous. Ça va ? Là, il prend un gros coup de jeune. Ah. C'est clair. Alors justement, à propos d'archives, on a eu pas mal de choses grâce à un auditeur qui nous avons justement sur antenne. Il s'appelle Yves Pierre. Bonsoir. Yves Pierre. C'est le fameux Yves Pierre dont nous a parlé Philippe hier soir, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Ouais. Allô ? Oui, ça va bien ? Oui, ça va très bien. C'est un gars qui récupère toutes les émissions. Oui, voilà. Et là, justement... Il a envoyé pas mal de choses intéressantes à Philippe, d'après ce que j'ai compris hier. Et il a envoyé justement l'interview de Philippe Dont, en fait, avec le premier CD à The Villa qui était sorti à l'époque. Tu avais enregistré ça en quelle année, Yves Pierre ? Écoute, j'avais enregistré ça en mars 1995 parce que, en fait, c'était l'époque où j'ai écouté énormément Galaxy. Parce que ça correspond à mes années de lycée et puis moi j'en garde un souvenir impérissable. Donc d'accord. J'ai un paquet de cassettes que j'ai conservé de cette époque. Ouais. Et puis notamment de l'interview de Laurence Dadjo ou d'Adzevilla. Alors justement cette interview de Laurence Dadjo, on va l'entendre ici quelques secondes avec un montage justement par Jérémy parce que bon l'émission dure une heure et quelques et bon on peut pas forcément tout passer d'un coup sinon ce serait un petit peu trop long, quoique franchement pour le souvenir c'est vraiment le souvenir d'époque avec la première compilation. Il y avait aussi Vince, Johan dans les studios de la radio, forcément Laurence Vanloo et puis bien sûr toute la team de la Villa qui était à l'époque et qui avait été transférée à Bruxelles à l'époque. Sinon, tu sortais forcément dans cet endroit, Yves-Pierre ? Moi, ça fait longtemps que je suis plus allé en boîte, honnêtement. À l'époque, effectivement, j'étais pas assez, je pense, je faisais pas partie d'un public assez branché pour sortir à The Villa. Mais je traînais dans les boîtes de Belgique. Par exemple, je suis allé à La Goa, à l'X-Type aussi une fois. Enfin, un peu dans ce coin-là, quoi. Mais peut-être pas à The Villa, effectivement. D'accord, et tu te retrouves pas un petit peu la même ambiance dans les boîtes de maintenant, c'est ça ? C'est-à-dire que c'est plutôt le... Oui, et puis c'est le... En fait, j'ai pris un peu de distance avec la techno actuelle parce que le son, je trouve, a bien sûr beaucoup changé. Et c'est un son que j'apprécie beaucoup moins maintenant. D'accord. Sinon, Tony, un petit mot pour sur At The Villa. Tu as connu également à l'époque, bien sûr. Je voudrais juste lui poser une petite question. Il y a des choses que j'ai pas compris là. J'ai peut-être pas un bon casque, je sais pas. Ça a l'air. Non, c'est parce que on l'entend très très mal en fait, hein, Yves-Pierre, parce que bon, apparemment le téléphone c'est du gratuit, hein, forcément. Ouais. Mais bon, si tu peux parler un petit peu plus fort, Yves-Pierre, pour qu'on t'entende un peu mieux dans le poste. Sinon, vas-y, Tony, tu peux. Ouais, une petite question. S'il a beaucoup d'archives, parce que un des moments forts, malheureusement, c'est l'incendie de la boîte At The Villa au printemps 1994, et Laurence est venue sur l'antenne de Galaxy expliquer un peu. Ce qu'elle présentait sur l'incendie de cette boîte et annonçait ce qu'elle comptait faire pour reprendre évidemment le concept de ce club qui s'est poursuivi dans d'autres endroits. Est-ce que à tout hasard tu aurais l'interview qui a été réalisée de Laurence à ce moment-là ? Ouais, c'est celui-là, je crois. C'est ça ? Ouais. Il me semble que c'est l'interview bien. En fait, Philippe essaie de lui demander un petit peu bon qu'est-ce qui s'est passé dans les moindres détails de l'incendie en tout cas, et présente bien sûr la nouvelle compilation avec une sélection de différents morceaux. Donc on a coupé un petit peu dedans, enfin Jérémy l'a fait pour vraiment obtenir le meilleur rendu possible. Parce que ça marque un peu la fin d'une époque. Il y a eu juste avant l'incendie de At The Villa la fermeture de quelques discothèques. eu la fermeture du Boccaccio, qui est quand même le club mythique qui a connu la New Beat, la Cine Musique, les débuts de la techno. Mmh. La fermeture du 55 en 1992, qui était le deuxième club mythique, et puis d'autres, hein, dont je ne citerai pas tous les noms, etc. ce soir. Donc, At The Villa était l'un des derniers clubs précurseurs de cette musique. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, les choses ne sont plus tout à fait les mêmes. D'accord. L'interview At The Villa avec Philippe Dont, c'est tout de suite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bon début de soirée. Vous écoutez la radio, c'est bien. Vous écoutez Galaxy, c'est encore mieux. Slogan de choc pour ce début de soirée. Vous êtes tous, à mon avis, arrivés au poste. Vous écoutez la radio peut-être pour la première fois ou alors depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois. J'ai un personnage à côté de moi qui va se présenter. Prénom ? Personnage. Le prénom, Laurence. Laurence, Laurence. Le nom ? Van Loo. Laurence Van Loo. Activité dans la vie ? Je m'occupe d'une discothèque. Oui. D'un label de disques. Le nom de cette discothèque ? At The Villa. At The Villa, ça nous dit quelque chose quand même. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Laurence Van Loo de At The Villa présente sur Galaxy pendant 60 minutes. Your dance music. This is Galaxy. At The Villa, ça a commencé quand ? En 1988. 88. À la place, c'était, y avait une autre discothèque déjà ? Il y avait une autre discothèque qui s'appelait le Porsche. Le Porsche, ouais. Il y a eu un succès tout de suite, il y a eu un engouement énorme côté At The Villa. Comment on s'y prend pour faire démarrer une boîte et se dire on va créer une ambiance, de toute façon on y reviendra un peu plus tard. Comment on lance comment ça t'est venu d'ailleurs de l'idée de lancer une boîte ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Tu tenais une autre boîte ? Non, ma mère a tenu une discothèque pendant 20 ans et puis je me souvenais que c'était très bien. D'ailleurs, j'y ai travaillé pendant quelques années. C'était quelle discothèque ? Ça s'appelait la Madrague. La Madrague. Et puis j'ai fait plein de bêtises parce qu'elle m'a un peu laissé driver la Madrague et j'ai fait mes premiers pas très mal d'ailleurs. Et j'avais envie de recommencer. J'ai cherché un endroit pendant à peu près un an et on a trouvé le Porsche et voilà, on l'a appelé At The Villa. Au départ, c'était pas bon, c'était très commercial. C'était en pleine période New Beat. New Beat, oui. Il y avait de la New Beat, mais si je me souviens bien, il y avait tout. Il y avait des slow, il y avait des. Il y avait encore les confettis farandoles que Fifi balançait des Dutron. Et comment c'est venu ? C'est Fifi qui a imposé son style ? Non, en fait, c'est venu par Joanne qui sortait au 55 et qui supportait pas les farandoles. Voilà, c'est le 55 qui a commencé avec ce style de musique dans la région en tout cas. Ouais. Il avait ce style dans la tête, dans les idées, et il a commencé en fait à appeler, comme le 55 fermait tôt vers 6-7 heures du matin, on a commencé à jouer cette musique vers 6-7 heures du matin, et Fifi à mon avis est tombé amoureux et est parti à fond dans le style. Si je me souviens bien, Laurence, il y a un an, c'était presque un an maintenant, c'était le cauchemar un petit peu pour At The Villa. Oui. Tu veux revenir sur ces détails ? Non. Il y a beaucoup de gens qui se demandent encore qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À l'époque, tu disais quoi ? C'est personnel. Peut-être le monsieur avec qui j'ai vécu un moment. Mm-hmm. Mais bon, je ne sais pas. D'accord. On a quelqu'un au téléphone ? Zézette ? Ouais, bonjour. Salut Zézette. Vas-y, pose ta question. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Zézette. Ben voilà. Salut chérie. Écoute, moi aussi j'ai connu At The Villa avant que ce soit un peu techno. Je crois qu'on a fait un bon parcours ensemble. J'ai toujours eu même des nouvelles d'assez loin. Maintenant tu diriges vers Bruxelles. Je voudrais te souhaiter tous les vœux de réussite. Et je donne rendez-vous aux Lillois et aux Lilloises, même si de temps en temps j'entends dire que c'est un petit peu loin. Mais je crois qu'on sait bien. Une heure de route, c'est pas loin du tout. Alors rendez-vous tous samedi pour faire une bonne soirée. Je t'embrasse Laurence, je t'embrasse tout le monde. Nous on va t'embaucher pour faire un spot publicitaire. Hein. C'est vrai ? Bah ouais. Merci. Pourtant je vais pas payer pour appeler. Mais si, attends, elle paye les gens au téléphone. Non, non, non, non. Bon. Merci Zézette. Je t'en prie Laurence, ciao. Il y a une question au répondeur, Galaxy. Salut Laurent. Donc voilà ma question. Il a été dit que vous allez ouvrir une boîte qui va étonner la Belgique. Étonner de quoi ? Du style, de la grandeur, de la musique ou de la déco ? Étonner la Belgique. Ça a été dit dans un magazine, je crois. En turbulence. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais en fait, vous venez samedi soir et puis vous nous direz après. Je peux pas dire personnellement que je vais étonner la Belgique. Est-ce qu'on s'attend à une surprise ou est-ce qu'on s'attend à une continuité de l'ambiance à The Villa? Non, on a fait tout ce qu'on pouvait pour donner plus parce qu'il faut toujours essayer de donner plus. Qu'est-ce qui a fait la déco? C'est un jeune homme qui s'appelle David Ramakers. Ouais. Je sais pas si tu le connais. Si, je le connais, il bosse bien, je crois. Moi, je trouve qu'il bosse très bien. Un peu strange. Voilà. Je parlais d'ambiance à The Villa. Pourquoi on dit ambiance à The Villa? Et qu'est-ce qu'il y a par rapport aux autres? C'est une famille. C'est une famille. Oui. Entre public, personnel? Entre personnel d'abord et puis avec les villaïstes après. Le départ de Fifi, ça s'est passé comment? Ça s'est passé un divorce à l'amiable. C'est-à-dire, il en avait assez? Il avait vécu, il a passé combien de temps à la villa? 5 ans? Non, je crois pas qu'il en avait assez, mais il savait que de toute façon la villa continuerait sans lui. Et puis, il pouvait gagner plus d'argent en se vendant dans d'autres discothèques et il voulait pas m'assommer à me demander des prix exorbitants. T'étais devenu une star? Il était devenu une star, oui. Mmh. Et puis, moi, je trouve que c'est très bien. Parce que la villa a continué quand même. Bah voilà, c'était Laurence de Villa depuis 19h. Maintenant, il va falloir rejoindre Spock. On se dit au revoir. Et puis, j'étais très, très contente d'être avec vous. Bah, c'est nous. Je t'en prie. Non, mais moi aussi. Voilà l'interview à The Villa avec Philippe Dont hein, qui avait été réalisé il y a un bon bout de temps maintenant. Nous avons toujours Yves Pierre qui avait gardé ce document dans ses archives. Yves Pierre toujours avec nous, ça va bien? Toujours là. D'accord. Dis, est-ce que tu as pas mal de documents justement un petit peu de l'époque de ce style? De l'époque, moi j'en ai gardé une masse impressionnante de cassettes, hein, puisque à l'époque c'était des cassettes, j'en ai une centaine. Maintenant, ouais. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était surtout d'enregistrer la musique. Le délire, c'était quelque chose qui était un petit peu en plus. Ouais. Donc, ça fait certainement beaucoup moins. Maintenant, il m'est resté quand même pas mal de fausses pubs, notamment d'enregistrer à l'époque de Philippe Dont. Ça te fait combien d'heures, ça, au total? C'est très difficile à dire parce que c'est éparpillé, c'est toutes des petites séquences réparties sur des cassettes. Donc, c'est un peu difficile à dire. C'est des petits passages de quelques minutes à chaque fois. Parce qu'apparemment, il y a Frédéric Meyer qui était à côté de moi, il t'a rencontré. Et ouais. Apparemment, tu as tout digitalisé, c'est ça, apparemment. Oui, c'est ça, effectivement. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Hein. J'ai eu l'occasion de voir ça chez lui, et je peux vous dire qu'il a du matériel. Il a également beaucoup de cassettes qu'il a petit à petit récupérées dans des marchés opus. C'est ça, Yves-Pierre? La plupart sont à moi. C'est vrai que je fais de temps en temps dans mon compte pour essayer d'en récupérer, mais c'est très, très, très, très difficile. J'ai l'impression que je dois être un des seuls à avoir gardé vraiment des cassettes de Galaxy. Est-ce que ça vaut cher des... J'ai quand même pu récupérer 3-4 sur internet. Est-ce que ça vaut cher des cassettes de Galaxy? Parce que moi j'en ai plein, je veux les revendre. Il va les racheter très cher sur moi. Si. Tu peux compter sur lui. Bon d'accord, on va te laisser parce que la liaison est assez mauvaise quand même, on l'entend assez mal. Et je crois qu'on va redémarrer au niveau des 10. Merci Yves-Pierre, c'est ça. Je vous remercie Yves-Pierre. Beaucoup et puis merci pour toute cette semaine qui a été époustouflante. Mais merci à toi. Ça ne fait que commencer. Est-ce que tu as tout enregistré pour enrichir tes archives? Comment? C'est pas grave. Attends, il y a un marché opus qui... Non, pas du tout. Il y a des gens qui le font et qui le signalent sur le forum de Galaxy. Ouais. D'accord. Il s'appelle Jive, le mec, si je me compte. Oui, enfin, il signale. Enfin, en tout cas, oui, ça, il est inscrit sur le forum de Galaxy. Vous pouvez d'ailleurs désormais vous inscrire www.galaxyfm.com. Et puis, bien sûr, vous cliquez sur forum et là, vous assistez de toute façon à pas mal de pages, justement, très intéressantes, notamment toutes les émissions des disques jockeys et des animateurs. Et bien sûr, de différentes choses, notamment des boîtes, des soirées, etc. Yves-Pierre, on te remercie. Une dernière réflexion Une dernière chose, c'est si vous avez enregistré cette semaine et puis que vous voulez également converser avec Yves-Pierre, n'hésitez pas à nous contacter. On a ses coordonnées, on vous mettra en relation avec lui. Puis croyez-moi, ça va faire des petits, je pense. Voilà, et puis en parlant de DJ discothèque, on retrouvera également des directs de discothèque dans quelques instants, si je ne m'abuse. Il est près de minuit, là, donc ça devrait pas tarder. Et puis on ira faire un petit tour également du côté de la discothèque qui s'appelait le New Prince. Le New Pins avec DJ World Gym Megastar. Bon, Allez. Il y avait aussi une autre discothèque hein, que Kauna apparemment a très très bien connue, l'Odéon. Ouais, on était deux, mais en fin de compte, je le savais pas, Guillaume, t'étais à côté de moi. Oui, vers la fin. Non. Avec ton petit string en cœur. Si, mais je t'ai reconnu maintenant. Pas encore j'ai même des photos de toi que je vais mettre sur internet. Ah bien, écoute, tu peux les mettre et tu me feras signe à ce moment-là. Parce que moi, j'en ai d'autres aussi. Elles sont pas mal du tout. Je te propose justement d'écouter le générique. Olivier Curtis l'a ramené. Ouais, c'est ce que... ouais. Donc, à l'époque, c'est un disque qui avait cartonné. On avait beaucoup d'appels pour ce disque-là. Le disque s'appelle Malcolm McLaren. C'était Aria on Air et c'était l'ouverture du rideau de l'Odéon. Vous savez, c'était assez immense, c'était assez. Il y avait un véritable show à chaque fois et c'était assez terrible. Voilà, et ça, c'était l'ouverture du rideau. Et là-dessus, justement, j'ai juste un truc. On a eu des auditeurs. Je vais juste citer leur prénom vite fait. C'est parce qu'ils ont fait des dédicaces. Que... Non, c'est pas des dédicaces. C'est le Trentenaire Power. C'est simplement, ils ont envie de faire une soirée, d'organiser une soirée avec que les sons de l'époque, le l'Odéon, le Skyline et tout ça, toute cette époque-là. Et donc, ils nous contactent pour qu'on essaye d'organiser ce truc. On y va alors. Moi, je suis partant. Hein. Bon, moi, je donne avec. Appelle JPV. Donc, c'était Damien, David et Seb. Et on appelle JP tout de suite. Voilà, le message est lancé. Tu peux appeler JPV. Le générique tout de suite de l'Odéon. Avec un instant Malcolm McLaren, c'était l'ouverture du rideau de l'Odéon de l'époque. D'ici quelques secondes, on retrouve du mix avec Alex Kaya, bien sûr. Encore plein de choses à partager ensemble ce soir, car nous sommes ici en direct jusqu'à 2h du matin pour faire aussi le tour des discothèques. Hein. Ce sera d'ici quelques minutes. On commencera par le Bliss Club, il y aura aussi le Captain, le Pulse Factory, l'Escape Concept, peut-être la Bûche également. En tout cas, ce sera jusqu'à 2h du matin. Toujours aussi des petits best-of. Et puis, Olivier Curtis n'a pas pu résister à retrouver un jingle d'anthologie, le top horaire. Attends, un top horaire de merde. Le vrai top horaire de merde. Oh là là. Il est exactement. Il est minuit sur Galaxy. Ce Galaxy 4 étoiles. Eh, c'était pas beau ça, franchement. Ouais.